je suis dans l'école du vrai, dans l'école de la vie, de la réalité de la vraie vie. Tout à fait. Bon, bah, on y va. Bah, c'est parti, mon kiki. Eh ben, c'est parti, alors. Ah, tout à fait. Alors, encore cette petite blagounette. De quoi ? Hein ? De quoi ? Non, je sais pas. De quelle blague ? Je sais pas, j'ai pas le temps de faire. Tu peux appuyer pour démarrer, c'est bon ? C'est déjà fait. Moi, je suis un mec qui démarre. Ok. Donc, tu me préviens pas. Alors, c'est dans quelle ordre déjà ? On va reprendre parce que la semaine dernière, on s'est complètement foiré. Tac, voilà. Et non, c'est pas faute, c'est ma faute. Ah bah, autant pour moi. Bah attends, on recommence. Parce on recommence. Ah bah j'ai merdé. Donc, Hey. Enfin là, il faut voir pas. Hein, c'est pas facile. Mais non, mais normalement, faut mettre des trucs en dessous. Bah des patins. Mets les patins. Donc bah bienvenue pour ce second épisode de la deuxième saison de Road to Hellfest. Avec un programme qu'on vous a préparé aux petits oignons, mais qu'on ne vous dévoilera pas parce qu'on ne l'a pas encore. Voilà. Bon, bah, bonne soirée à tous. Hein. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. C'était un vrai plaisir. On a plein de choses à vous dire, mais on ne sait pas trop comment les dire. Voilà. Donc, normalement, cette semaine, c'était Bob qui... Bah, déjà, attends, excuse-moi. Bonsoir, Bob. Bon, non, regarde. Ah, attends, ça bonsoir, Bob. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et Joe. Joe. As-tu passé une bonne semaine ? Bah écoute, ça a été. Ça a été ? Bah ouais, plutôt bien. Bah écoute, tant mieux. Et toi ? Écoute, ma foi, ouais, ça a été. Ça m'a... J'aime pas trop me mettre en avant, mais je dois dire que ça m'a fait du bien de recommencer ce podcast. Ah ouais ? Ouais, j'ai trouvé ça... T'as eu le moral un peu plus en berne ? Ouais, mais tu sais, c'est le fait de se lancer dedans et d'y aller, bah, et dire voilà, allez, on y va, ça y est, c'est fait, on l'a refait. Donc je suis là quand même. C'est complètement ça. Oui. Et du coup, déjà, merci aux... On peut pas, je sais pas trop combien il y a eu de personnes, mais merci parce que grâce à vous, eh ben, il y a eu notre podcast est arrivé dans les 5 podcasts du jour sur le site PodCloud et ça a fait plaisir. Bon, après, on se doute que c'est peut-être tombé au moment de la vente des billets, que le mot Hellfest peut-être ressortait un peu plus partout à droite à gauche, mais on s'en fout, nous on se dit que c'est parce qu'on est bon. Ou peut-être qu'il y a que 5 podcasts du coup sur... Ouais, et peut-être qu'il n'y a eu que 5 écoutes. Donc moi, je l'ai écouté 4 fois. Toi... Bah, moi, je l'ai écouté une demi-fois. Une demi-fois. Ah, bah, ça a dû jouer un truc comme ouais, ça. Je pense, ouais. Ouais, c'est fort possible. Bon. Alors, du coup, cette semaine, Bob s'est occupé des news. Mais comme je ne suis pas un mec trop bâtard, j'en ai fait quelques-unes aussi. Donc, je t'en prie. Car voilà, on vous explique, en fait, le programme, il se résume à peu près à... Attends, je vais te dire le message que tu m'as envoyé, parce que c'est quand même le plus marquant pour évoquer le programme de ce soir. Parce que en fait, j'ai demandé à Bob, alors, qu'est-ce qu'on fait comme programme ? Voilà, et il m'a dit, clairement... il m'a dit une bière. Oh, ça a été concis. Ah ben, là, alors attends... Alors, news du festival, chronique, 2-3 conneries, 2 bières. Et avec ça, on fait une heure. Et voilà. On en est déjà à 2 bières. On en est déjà à 2 bières, donc on a... Bah, c'est bon, on peut arrêter. Voilà. Voilà. Donc du coup, bah, on va piffer un peu des trucs. Hein, donc, bien sûr. Donc je t'en prie, qu'est-ce que tu as donc comme news ? Parce qu'en plus, on ne s'est pas concerté avant, donc savoir ce qu'on va dire tout l'un tout l'autre. Oui, c'est vrai qu'on ne se voit pas... On peut pas se blairer. Voilà, donc on est pas... On fait semblant, en fait, juste pour le alors, podcast, du coup. Si tu comptes parler de la vente des billets, j'ai tout un truc. Ah, t'as tout un truc ? Ouais. Donc, Oui, voilà, qui est sold out, donc vas-y, du coup. Eh ben, donc, oh, quelle surprise ! Il y a déjà plus de place pour le festival de passe 3 jours, nous entendons bien. Donc, il faut savoir que les places ont été mises en vente le vendredi 13 à 13h13. Ils ont réussi cette expo, quand même. Ouais, c'est vrai. Le vendredi 13, donc le même, à 18h13, 75% des billets étaient vendus. Le samedi 14 à 13h13, il restait 3000 billets. Le samedi 14 à 21h15, là ils se sont chiés dessus, je pense, parce que. Ouais. ils avaient tout vendu. Et en plus, ce qui est fort, c'est qu'ils ont quand même marqué en moins de 48 heures, alors que plus exactement, ça faisait 32 heures. Ah. Donc en plus, les mecs sont pas trop de la raconte. C'est clair. Et donc, bah voilà, nouveau record, je crois, de vente des billets. Hein, c'est assez fort. Apparemment, une grosse, grosse vente internationale. Et j'ai bien aimé dans leur petit communiqué. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Nous tâcherons d'être à la hauteur de vos espérances. Et pourquoi pas, même au-delà. Voilà, les mecs. Ouais, ça, c'est en rapport avec Les teasers, ça. L'au-delà. Ça. Ah, il y avait un jeu de mots, tu crois ? Oh, je ne sais pas. Je serais passé à côté de la blague. Alors, et là, tu vas me dire, mais ah bon, 13h13 et l'au-delà ? Mais tu crois qu'ils avaient prévu d'autres choses, peut-être ? Ah bon, 13h13 et l'au-delà ? Mais penses-tu qu'ils avaient trouvé autre chose ? Eh bien oui, oh, figure-toi, Bob. Dis donc. Parce qu'en fait, en allant sur la page de l'événement Facebook de Hellfest 2018, je suis tombé sur quelque chose d'étrange. Dis-moi tout, tu m'intéresses. Sur la page de l'événement, il a été créé du 22 juin au dimanche, du jeudi 22 au dimanche 25. Donc maintenant, ils incorporent le jeudi complètement, d'accord ? Mais c'est pas ça. Ouais, je sais, c'est un truc de dingue. Personne n'est prêt à ça. Du jeudi 22 juin à 10h30. Oula ! Jusqu'au dimanche 22 juin, 2h du matin. Ouh. Alors, elle est pas belle, la news ? Ouh. Voilà, donc... Alors, en étant totalement honnête, je pense qu'ils ont piffé une heure comme ça. Oui, je pense aussi. Et en même temps, les mecs, quand ils ont mis ça, peut-être qu'ils ont voulu soit s'amuser avec nous, on va mettre 10h30, ça va faire causer. Ouais. Ou juste, il va peut-être vraiment se passer un truc maintenant le jeudi matin, vu qu'à partir de... J'imagine. Ah, les gens arrivent le mercredi, ils arrivent le jeudi bien avant. Y a qu'à voir la réaction de Joe. Pour Joe, le début du festival, c'était jeudi 16h. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Et ça s'est terminé jeudi à 21h-22h. Et là, il était cuit. Bon. Ouais. C'est rien de parler de ceux qui ont disparu. C'est ça. Voilà, donc excuse-moi si je t'ai piqué un peu ta news, tu voulais peut-être dire quelque chose dessus. Non, écoute, je pense que t'as tout dit, hein. Du coup, tout était bien, bien concis. C'était exactement ce que je voulais dire, hein. Mot pour mot. Non, bah. Ah, nickel, franchement, bah, j'ai eu de la chance. Et puis, tu l'as fait mieux que je ne l'aurais pu le faire. Toi. Bah, j'ai piffé, hein. Ouais, c'est vraiment, ça. Je voulais pas... Du pif, toi. Peut-être que tu as une autre news sur le festival. Bah comme ça, non. Rien de nouveau en fait. Hein. Ah bah si. Il y a un point très important, mais qui n'est pas nouveau. Ils n'ont annoncé aucun groupe. C'est-à-dire que potentiellement, là, les 65 000 personnes qui ont dépensé 200 boules l'ont fait dans le vent, dans le vide, sans savoir pourquoi. Exactement. Même si on est tous d'accord qu'on achète plus quelque chose qu'on connaît déjà, que voilà... Et par contre, j'ai remarqué aussi sur Internet, donc toi, tu ne l'as peut-être pas vu parce que tu n'es plus dans les groupes, mais il y a énormément de gens effrayés de ne pas avoir reçu au début leur passe, leur billet numériquement. Ouais. Ça m'a fait extrêmement rire, moi, personnellement. Ouais. Bah oui, parce que c'est quand même, c'est quoi ? C'est la 13e édition du Hellfest ? Ouais. Genre, les mecs, c'est des branques, ils disent « Ah bah non, merde, non, on a juste pris l'argent. » C'est le barogue à la gauche, tu vois, ça, donc, en train de se faire dorer la pilule. Donc ça m'a fait rire, quoi. Le mec était tous en stress. J'ai toujours pas reçu. Non, moi, le seul truc qui m'a un peu stressé, c'est plus la facture. Donc, du coup, j'ai appelé Digitik, quand même, pour savoir. Donc, c'est normal, forcément. Hein. Il y a un gros branle-bas de combat autour de tout ça. Donc, d'ici une semaine, normalement, on devrait recevoir tous la facture numériquement, qu'on pourra imprimer, si on veut. Parce que j'ai toujours eu une facture Digitik, format A4, machin, avec... Donc là, on a reçu un mail comme quoi ça faisait office de facture. Mm-hmm. Donc en appelant, elle nous a bien rassuré en nous disant non, vous inquiétez pas, vous allez recevoir ça dans votre boîte mail et ce sera une facture normale. Donc t'as pris des billets ? Non, pas forcément. C'est pas moi en fait, c'est mes beaux-parents. Mais voilà. Okay. Parce que je le fais pour mes beaux-parents. Bah oui. Ouais, mais c'est possible. Bah oui. Non, parce que je veux dire, quelque part, si t'avais acheté le billet que tu me l'avais pas dit, j'aurais eu grave les boules en fait. Mais ouais, non. Donc, mais c'est pour mes beaux-parents, je le fais tous les ans pour mes beaux-parents. D'ailleurs, d'accord. C'est... Et je te jure, et l'espace d'une seconde, j'ai dit putain, le bâtard. Ah non, mais. Bah, non, mais déjà, je te le dirais pas. Déjà. Donc peut-être qu'il ment et qu'il remonte. D'ailleurs, j'ai juste un message perso que quelqu'un que je connais, que tu connais, que nous connaissons, ouais, qui a entendu et que vous connaissez, qui a entendu tes propos du podcast du dernier épisode de la première saison et qui m'a dit je suis déçu. Je te dirai après. D'accord. Voilà. Bon, vas-y, t'as d'autres news ou pas ? Non, aucune. Ah, putain. Concernant le fest, mais d'autres news au PIF. Au PIF ? Ouais, moi j'ai pris deux autres news de sortie de trucs. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah non, mis à part... je ne sais plus. Bah, j'ai plus les dates. Vas-y, donne tes Du 22 au 20... 5 juin. Non, c'est pas ça. Ah, pour le Conquérant Metal Fest. Ah, pour ça. Non. Ah non, bah vas-y, parle-en, c'est une très bonne idée. Alors, je sais même pas les dates. Bah c'est la semaine prochaine, c'est le week-end du 28. Ouais, c'est ça, ouais. Donc peut-être peux-tu en parler pendant que tu fais des recherches ou que tu n'es pas capable de faire de... Oh, hey, oh, tu te détends. C'est le 28 octobre et le 29 octobre. Donc samedi et dimanche. Quoizel. Pardon, excuse-moi, j'ai coupé quand t'en parlais. À l'espace Quoizel. Donc c'est dans l'Orne, il me semble. Saint-André-sur-Orne. 14-320. Saint-Martin-de-Fontenay. Donc c'est le Calvados. Voilà, c'est le Calvados. Donc, Conquérant Metal Fest, qui était à la base plus une initiative d'un père pour... Bah ça, ça, l'est, ça fils, l'est toujours ça. Apparemment, même si... voilà, mais... petit, voilà. Donc cette année, donc l'Old Blast, Misanthrope, Agresseur, notamment pour le samedi 28. Et le dimanche, Tagada, Bloody Rosie, Lone Wolf, Winfield, qu'on a eu l'occasion de voir à moult reprises. Donc voilà, pas mal de petits groupes sympas. C'est clair. Donc bah voilà, allez voir hein, si vous avez l'occasion, 28 bah, et 29 octobre. Je pense que c'est même important d'essayer de quand même saluer la démarche de faire un festival dans la région, encore une fois. Et, tout à fait, et surtout que, à la saison. Et que la tête d'affiche est quand même, enfin les têtes d'affiche sont vraiment pas dégueulasses quand même. Parce que, Blast et Tagada, ça va aller. D'un jour à l'autre. Bon, pour l'instant, Road to Hellfest n'y sera pas. Ou... C'est pas prévu pour ma part. Voilà, donc, désolé, je voulais le faire il y a 2 ans. Puis, bah, j'ai complètement pas pu le faire non plus. Bah ouais, non, mais c'est vraiment bien. Et tant que tu es dans les. Donc, ça, c'est une très bonne chose, hein, le Conquérant Metal Fest. Nous, on est avec eux. Voilà. Totalement. Hein. Y a aussi un concert où potentiellement on va la semaine prochaine, normalement. Missing Mile. Ouais. Ouais. Avec un groupe suédois. Oui, je crois. De Doom. Donc, un concert cette fois à Saint-Lô, au Bazar. Qui a une espèce de bar, concert, un peu tout. Qui est à la base, oui, une espèce de concept un peu... De scène ouverte où voilà. tout le monde peut venir faire des choses, des trucs, des machins. Si je me trompe pas, c'était ouvert un peu à tout, style d'art. Ouais, ouais, ouais, normalement ça devait être ouvert un peu à tout, ouais. Mais en fait, au final, ça se retrouve plus un peu un bar-café, un bar-concert, j'ai plus l'impression. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est jeudi. De me souvenir, ça doit commencer à 22h. Voilà. Et le deuxième groupe, c'est Cities of Mars. Mm. Voilà. Donc pour le coup, normalement, on y sera. Pour le coup, on y sera. Voilà. Donc c'est assuré pour toi. Voilà. Moi, je viendrai directement après le taf, je pense. 22h à 2h du matin. Voilà. Donc et c'est largement jouable. Du coup, par contre, petit point qu'on peut en parler, parce que c'est ce que tu m'avais dit sur la dernière fois où toi tu y avais été. Ils commencent pas forcément à leur indiquer parce qu'ils te font consommer un peu. Ouais, alors. Voilà. Mais je crois que ça a peut-être changé de patron depuis, donc peut-être que... Je crois qu'à la base, ils étaient 3. Et il y a eu une embrouille ou je sais pas quoi. Et d'accord. Du coup, ils ont un peu laissé tomber. Je crois que c'était une assoce à la base qui devait gérer ça. Et apparemment, ça s'est un peu embrouillé dans l'histoire. Et ils ont laissé un petit peu le bébé à un gars. Et il n'arrivait pas trop à gérer le truc. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a peut-être changé. Après. Mais voilà, encore une fois, toutes les initiatives, nous, on est prêts à en parler parce qu'on trouve ça chouette. Exactement. D'autres news ? J'ai cru voir... Tac, mais non, pas ça. Non, désolé. Non, j'ai vu une pub sur El Royce, le concert justement qui était passé au Bazar. Il passe... Au Portobello, non ? Je crois, ouais. Ils sont pas passés déjà ? Ah, c'est possible. Ah, vous voyez comme quoi cette émission est très bien préparée. Ah bah, on vous avait prévenu. Là, on n'a pas menti, on l'a dit avant. D'accord ? Nous, on pif des trucs. Donc. c'est ça. Du coup, moi, je vais partir sur une news. A Perfect Circle a donné des nouvelles. Ouais, alors, qui c'est A Perfect Circle ? Tu sais qui c'est, toi, ou pas ? J'ai écouté ce que tu m'avais passé. Ah, et t'avais. J'ai pas accroché. Voilà, parce que c'était trop gentil pour toi. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est Ménard, le chanteur de Tool, et de Pucifer, et de et d'un autre, Pucifer. Je crois. Et qui donc a fait un autre groupe entre deux, parce que c'est un mec qui s'ennuie dans la vie, je pense. Et ça fait depuis 2004 qu'on n'avait pas une nouvelle. Et donc apparemment, cet été, ils ont commencé à parler du fait qu'il allait y avoir un album qui sort à la fin de l'année. Et là, un premier extrait est sorti, qui s'appelle The Doom. Et l'album sortira donc à la fin de l'année, s'appelle The Beta Machine. Et j'ai pas du tout accroché. Et ça m'a fait vachement de peine parce qu'en fait, je me suis gardé de côté un pendant quelques temps. Je voulais l'écouter. Toi, je me l'étais préparé comme ouais. un bon dessert. D'accord. Et puis tu sais, quand t'arrives dans le dessert et tu vois en fait qu'il y a quelqu'un qui a déjà croqué dedans. Ouais. Par contre. Ah. Trivium a sorti son troisième single extrait de son album The Sin and the Sentences qui sort vendredi et que j'attends encore plus que la semaine dernière quand j'en ai déjà parlé. Et ce nouveau single, Betrayer, est une tuerie. J'annonce, Trivium avec cet album, ils vont tout déboîter. Vraiment. Faut que j'aille voir, tu m'as dit que le batteur déchire et tout. Ah là là là là là, les deux autres premiers titres m'ont vraiment bien plu. Mais alors celui-là, il mélange tellement de choses. C'est vraiment une tuerie. Et là, vendredi matin, je serai à l'ouverture pour aller acheter le CD direct. De la FNAC. De la boutique où j'irai acheter un CD. Pff, voilà. Voilà. Mais non, vraiment, j'attends avec impatience cet album. Et en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que Trivium devait être dans mes groupes préférés, vu que j'ai acheté un peu tous les albums qui sortaient. Ah, tiens. Ouais, c'est un des rares groupes encore auxquels j'achète. Suite étrange. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Alors, du coup... donc plus de news hein. C'était exhaustif. J'ai vu tout à l'heure que tu parlais du chanteur de Tool. Oui. Bah, apparemment il y a un super groupe qui s'est formé avec le chanteur de Tool. Non pas le chanteur. Le batteur de Tool et Mastodon. Oui, le guitariste. Bah, ils sont tous. Et j'ai vu guitariste chanteur mais ils sont tous chanteurs. Putain, bah, c'est voilà. Ça ouais. Sur le dernier justement. Mm. Et donc voilà. Oui t'as encore, vu la news passer ce soir. Encore un super groupe ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc, comme quoi c'est... D'ailleurs, on peut permettre de ça, de reparler du groupe que tu m'as parlé, Killer by Killer. Ouais, Killer by Kill. Killer by Kill, pardon. Je te laisse en parler, vu que c'est toi qui m'en avais parlé. Bah après, ouais, c'est... Ouais, donc en fait, c'est un groupe... Sonar. donc oui, c'est un groupe avec Troy Sanders de Mastodon, Pucciato de Dillinger Escape Plane, autant pour moi. Donc le batteur de Mars Volta qui a participé à pas mal de trucs un peu bizarres aussi. Je savais pas que c'était le batteur de Mars Volta, j'avais pas fait gaffe. Bah apparemment si, qui a fait pas mal de trucs pour des stars américaines. Ah bon ? Ouais, d'après ce que j'ai vu quoi. Genre, je vais pas dire de conneries, mais dans l'esprit un peu Miley Cyrus ou ce genre de trucs quoi. Ah bah c'est peut-être un batteur de studio hein. Je crois que ça doit être ça. Ça peut. Et Cavalera. Ouais, voilà. Igor. Non, Max. Max. Ouais, et donc voilà. C'est pas un groupe récent en fait parce que l'album doit dater de 2014. Ils ont deux albums je crois. Un seul. Un seul t'es sûr Ouais. Oui donc voilà. Et bah je le conseille parce que franchement c'est bah ils chantent tous déjà. Déjà hein, ouais. Chacun leur tour ouais. Et c'est vraiment génial quoi. Puis on reconnaît bien ils ont tous leurs pattes c'est ça. Mélangées c'est hallucinant quoi. En fait c'est comme si on disait bah sur cette chanson ça va être le couplet de Max. Après sur le refrain ça va être un refrain à la Dillinger et après le pont ça va être un truc à la Mastodon, ça fait que tous les morceaux sont excellents ou une vraie énergie et des trucs complètement hallucinés parce que on en reparlera sûrement peut-être plus tard mais pour moi c'était le contre-exemple parfait de ce que je disais la semaine dernière avec Prophet of Rage où je disais je ne ressens pas le côté groupe tu vois j'avais l'impression que c'était plus des gens qui venaient faire un hommage à Rage Against the Machine et ils chantent pas le côté groupe dans leur album, alors que là justement tu ressens le côté groupe, mais groupe, une fusion de plusieurs groupes. Et j'ai trouvé ça bah, super chialé quoi. Ah ouais, vraiment c'est propre, c'est nickel. Et c'est... Les envolées de Pucciato sont terribles. Ah ouais, non, c'est vraiment super. Très très bien. Voilà, ça c'est un truc qu'on peut conseiller. Oh bah, je recommande. Et vivement. Du coup, Max Cavalera, on peut rebondir sur le fait qu'ils vont sortir un nouveau Cavalera Conspiracy. J'ai écouté un extrait. J'ai pas été au bout de l'extrait. D'accord. Ça m'a pas. Alors que pourtant, j'ai écouté les deux autres albums. On les a vus au Fest, je sais plus quand. Là, ouais, mais c'était, dans la grande roue, c'était de l'arnaque. C'était du Sepultura. Voilà, ils ont joué du Sepultura. Ils venaient en Cavalera Conspiracy, ils ont joué que du Sepultura. Quasiment. Ouais. Et du Soulfly un peu aussi. Ouais. Donc c'était un peu de l'arnaque. Mais bon, ça ne renie pas Max Cavalera ni Igor, tout ce qu'ils ont pu faire, machin. Bien voilà. Sûr. Voilà. Nous ne sommes pas là pour ça. Du coup. On avait décidé de plus ou moins de faire des chroniques sur les quelques sorties CD dont j'avais évoqué la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as cassé une bière ? Non, mais je me suis posé la question, tu vois. Ah, t'as cassé quelque chose ? N'hésite pas. Hein. Des neurones. N'hésite pas. Eh, merci bien. Tu veux une bière ? Oh, bah, je vais prendre une petite, ouais. Avec un bonbon. Oui, on a des bonbons. On est sponsor. Réglisse. Donc on a choisi un peu. Alors on a fait. Il y a eu deux écoles. il y a eu l'école Bob qui, dans les sorties, a dit bah moi je vais prendre ça, ça, ça. Non, il y a eu l'école Bob qui, dans les sorties, tu m'as dit tu vas prendre ça, ça, ça, ça. Non, tu as commencé par dire je fais ça, ça et ça, et du coup, moi je t'ai dit bah oublie pas de faire ça, ça et ça. Tu veux régler tes comptes en direct. Et ben écoute, ça ne me dérange pas, de toute manière, t'as écouté tous tes groupes. Oui. Non. 5 groupes. Donc 5 albums plutôt. Non, 6. Ah oui, 6, d'accord. Donc on était parti sur 5 groupes chacun, donc on en a mis 6. Parce que c'est pour rendre un petit hommage au tirage au sort du. Oui, des 5 groupes à écouter. Voilà. Et bah, du coup, on va essayer de vous faire des chroniques chacun notre tour de ces albums. Mmh. Alors, bien sûr, ça va pas être super exhaustif. Et, on n'est pas des professionnels. Non, on est des professionnels, mais en plus, on est mauvais comme amateurs. En donc, il va falloir vraiment. Et bref, bon, écoute, du coup, moi, j'ai choisi plus ou moins 5 trucs que j'avais pas envie d'écouter. Alors que toi, t'es parti. Ah, Bob vient de se niquer une dent en direct. Oh, en réglisse. Ah, tu t'es niqué à réglisse ? Ouais, en fait, il s'est enroulé autour de ma langue. Ah bah super. J'ai la langue bleue, du coup. Du coup, on va pas dire les groupes que t'avais, lance-toi directement. Pourquoi on va pas dire les groupes que j'avais ? Bah, tu veux les dire ? Bah, je sais pas, tu m'avais imposé Prophet of Rage. Ah bah, commence par Prophet of Rage. Tu l'as écouté ? Ouais, j'ai écouté vite fait, bah alors forcément, comme voilà, j'ai survolé, on va dire, j'ai écouté 4-5 morceaux, quoi. Pour dire, me faire une idée. Mm-hmm. Et j'aime bien. Bah, voilà. Ça marche. J'aime bien, ça marche. Il y a un public pour ça, forcément. Parce qu'on ne peut pas se mentir, voilà, ça marche, c'est ce que j'avais mis. Mais il est vrai que ça sent le Rage Against the Machine à plein nez, quand même. Quoi. Musicalement, c'est. T'as l'impression. Bah, je veux dire, tu mettrais juste la bande-son, t'as l'impression d'écouter du Rage Against the Machine. Ça. Avec des chants rap par-dessus, voilà. Quoi. Donc voilà, et c'est ce que j'ai mis. Je pense que Zach n'était peut-être pas d'accord de reprendre Rage Against the Machine. Comme peut-être. Il y a plein de trucs comme ça qui se sont faits, de remonter des groupes pour dire ouais, on a besoin de payer nos impôts, tout ça. Et du coup, il a peut-être pas voulu. Alors ils se sont dit bah voilà, on va aller voir les gars de voilà, Cypress, tout ça pour faire ça. Voilà, pour moi, je suis assez d'accord. Ça marche bien. Mais je suis pas convaincu, c'est clair. Bah ouais, bah voilà. C'est ça. Hein. Parce que Rage Against the Machine reste quand même Rage Against the Machine. J'ai vu un truc justement sur eux il y a 17 ans, non, qu'ils se sont séparés. Ah oui, je crois. Que Zach est parti. Ouais, Zach est parti. Ouais, alors la question c'était, pensez-vous qu'il a eu raison ? Après, il a fait ce qu'il a voulu. Hein. C'est le problème, je dirais que c'est même pas forcément ça. Parce que les gens essayent toujours de vivre dans cette nostalgie. Je pense que c'est justement ce qui marche bien avec Prophet of Rage. Mais l'identité du groupe, c'est quoi ? Bah, c'est ça. Quand on voit tous les projets qu'a pu avoir Tom Morello tout seul, ou comme je disais la semaine dernière avec. On n'a pas trinqué sur ça. Excusez-moi. Maudite mémoire. J'ai Soundgarden dans la tête qui me revient. Audioslave. Avec Audioslave, on était vraiment une identité de groupe. Et tout ce qu'a fait Tom Morello, que ce soit lui tout seul en acoustique ou avec tous les 14 000 projets, à chaque fois on retrouvait sa patte, mais avec un truc. Quand tu disais tout à l'heure Killer by Kill, là, tu retrouves un truc de groupe. T'as lâché un gros. Ah, tu l'as. Oh, moi, je l'ai en plein moment. Oh merde, excuse-moi. C'est très mal à l'air ici. C'est vrai. Excusez-moi, pardon pour tout le monde. Pourtant, il y a une bouche de. Je sais pas quoi. C'est dur de roter, de parler en même temps. Je suis sûr, le rot, c'est pas entendu pourtant. T'as vu, j'ai réussi à le. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est... Je préfère le dire quand même. Oui, non, mais t'as raison. Que les gens soient au courant. C'est vrai. Que t'es un gros dégueulasse. Je m'excuse. Voilà. Donc, du coup, c'est plus moi vraiment ça qui me manque parce qu'effectivement, ça marche. Mais t'as l'impression d'entendre les rages, quoi. Et ouais. Que quand, du coup, quand la voix commence et que c'est pas la bonne, tu fais ah. Moi, ça. Des fois, je disais bah mince, quoi. Et... T'as l'impression que tous les basses, guitares, peau de batterie, tout est accordé ça. De façon à faire du Rage Against the Machine, quoi. Mais c'est pas raté, hein. Mais ça a pas d'identité propre pour moi. C'est tout. Voilà. Mais ça passe, je veux dire. Mais voilà, enfin, je sais pas, t'as l'impression de. Comme tu dis, d'avoir cette envie de nostalgie, de te dire. Rage Against the Machine, ah cool, mais derrière, c'est vrai que ce truc qui fait que ça vient pas, quoi. Et je pense c'est pas Zach, quoi. Et je pense que la démarche donne cette impression là encore plus parce qu'ils sont partis là-dessus au début, quoi. Ouais. Dès le début ils ont fait ça, alors que s'ils étaient arrivés avec un album disant voilà ça c'est notre album machin, t'aurais peut-être dit moi ah bon bah ok ça ressemble à des Rage machin, mais bon je sais pas, je pense qu'ils ont dû faire ça pour voir si ça prenait, ça a pris, ils ont dit bon bah machin, bah voilà. Après je ne retire pas tout ce qu'ils essayent de défendre comme cause de machin ou ah non bien sûr, ça c'est leur problème, très bien. Bon, c'est tout ce que t'avais à dire sur le groupe ? Bah, oui, oui. T'as pas le nombre de titres, la durée de l'album ? Non. La date de sortie ? Non plus. Très bien. Non, aucune. Non, c'est comme toi, c'est pareil. Ah, c'est ce que j'ai marqué, moi. Pour ça, je les ai marqués, ces trucs. De Prophète ? Ah non, j'ai pas. De Prophète. Ah, bah, oui. Ah, mais bon, bref. Non, c'est pour un point précis dans une de mes... Plus tard, en fait, je l'ai marqué. Mais les gens, ils sont pas bêtes, ils sont internet, ils... Tout à fait. Non, mais moi, c'est vraiment pour dire un truc précisément. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ouais, parce que t'as un truc derrière. Ouais. Ah, cool. Je tac, tac, tac. J'ai distribué les cartes, mais. Après, chacun en fait ce qu'il veut, quoi. Non, j'ai déjà les 4 as. Ah, mais d'accord. Donc, en fait, t'as un bel. Je suis un dégueulasse. Belle île en mer. Voilà, je suis une belle île en mer. Alors, moi, j'ai écouté le nouvel album de Arc Enemy, qui veut dire Ennemi juré. Non. L'album, c'est Will to Power. Et il y a 13 titres pour 53 minutes. D'accord. Jusque-là. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je me suis un peu intéressé à l'histoire du groupe. Ah, je peux aller faire pipi ? Non, ça va être rapide. Ah, va. C'est un groupe de death mélodique suédois qui a été formé en 1995 par Michael Amont, qui est l'ex-guitariste de Carcass, avec un C. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Tout à fait. Qui, en 2001, remercia son chanteur au détriment d'une chanteuse. Ah bah super, bravo. Voilà, et ils ont changé de chanteuse il y a 2 ans, et la chanteuse avant est devenue leur manager. Voilà, donc c'est... Oui, bah après, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais... et la nouvelle chanteuse, donc Alyssa Whiteclough, c'est l'ancienne chanteuse de The Agonist. Ah oui. Tu vois, comme non, quoi tout est... Pas du tout. Non, mais t'as déjà entendu le nom. Oui. Tu vois, et elle est dans la vie, elle est en couple avec... Doyle Wolfgang von Frankenstein, qui est le guitariste des Misfits. Et qui est donc un peu plus vieux. D'accord. Tu te rappelles la fille que je t'ai montrée, oui, qui était bien. Voilà, et lui, il a 53 ans. Il était bleu, c'est ça ? Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est un peu. Voilà, c'est assez étrange. Quand non, même. Mais ça fait déjà quand même. Le groupe a déjà quand même une bonne histoire, quoi. Ça va, ouais. C'est donc le. Un roman, éventuellement. Ouais, c'est ça. C'est le 10e album du groupe. Et il marche pas mal, je crois. Et deuxième album avec donc cette nouvelle chanteuse. Et franchement, c'est le meilleur album d'Arc Enemy que j'ai écouté. Ah ouais. Ok. Bah c'est le seul. Donc. Oh la vache. Bon. Manard sort de ce corps. Alors, c'était. C'est ça fait le taf, c'est bien. C'est pas pour moi parce qu'il y a des trucs que j'aime pas comme. Certains, je dirais, coups de synthé ou machin. Oh là là, mon dieu. C'est pas énorme, mais autant il y a des riffs de guitare qui sont assez stylés et tout ça, autant c'est pas pour moi. Les riffs de synthé, c'est pas ton truc. Les riffs de synthé, c'est pas mon délire. Après, donc, du coup, j'ai forcément un peu de mal à me rendre compte des autres albums. Oui, forcément, ça aide pas, quoi. Il était pas désagréable à écouter, j'ai juste vraiment un problème avec le growl féminin, quoi. Moi, dès qu'il y a une fille qui arrive et qui crie, en fait, je suis attaqué dans ma virilité. Tu sais, genre, je suis pour le côté égalité, mais là, elle me fait peur. Ouais. Alors que physiquement, elle n'a pas l'air, tu vois, c'est un peu... Et par contre, je tiens juste à dire qu'à un moment donné, alors, c'est une petite aparté, mais Catherine Lara, si tu écoutes ce podcast, il faut que tu portes plainte pour Arc Enemy, parce qu'à un moment... Ils font une reprise de la bande musicale de Nuit Magique. C'est Nuit Magique. Sérieux ? Ah, je te ferai écouter après. J'ai pas de stylo. C'est... Ah. Quelqu'un aura un stylo ? T'as pas été en chercher un depuis tout à l'heure ? Grave, avec un couteau, fais quelque chose. Ouais, c'est ça. Non, c'est ultra. Ça m'a trop fait délirer. J'étais en train d'écouter. Mais putain, c'est Catherine Lara. C'est Catherine Lara. Donc, déjà, nostalgie. Grosse... Nostalgie, après culture musicale. Je connais. Donc après, je suppose que les gens trouvent que c'est un bon album et que c'est l'album de la maturité et que la 8, elle est bien. Voilà. En gros, résumé, c'est parfait. Voilà. Je t'en prie, je te tends la perche. Tout à fait. Ah, il faut qu'il finisse d'avaler son bonbon. Ouais, excusez-moi, j'ai un petit papillon jaune dans la bouche. Oh, ça fait ça à chaque fois qu'il me voit. Non, c'est dans l'estomac. Tu vas couper ça, s'il te plaît. Combien ? Alors bon, bah moi, tu m'as imposé Primus. Je plaisante. Pas là, non, pas là. Donc j'ai une écoute, hein, et assez difficile, je l'avoue, du nouvel album. Forcément, j'ai pas le nom. Seven Goblin. Meuble. Attends, Seven Goblin. Meuble, je te dis. Rainbow, je crois, un truc comme ça. Quoi? Les sept gobelins de l'arc-en-ciel. Quoi? Bah attends, je vais regarder. Non, mais regarde, le début, j'ai regardé. C'est Seven quelque chose, mais les gobelins. Seven Goblin Rainbow. Ça me dit rien, moi, les gobelins. Rainbow Goblin ou Goblins. Et un travail d'investigation. Tout à fait. On peut le dire. Sur le terrain. De Desaturing Seven. Tout à fait. Tu vois, c'était ça. De Desaturating Seven, pour être précis. Sept titres. C'est ça, donc peut-être que le premier parlait des gobelins. Non? Non? La première chanson? Dis-le, vas-y, dis-le. La première chanson? Oui. The Valley. Voilà, c'est ça. Après, il y a eu The Seven, The Trek, The Shim, The Dream, The Storm, The End. J'ai dû confondre avec... J'ai écouté Primus, moi. c'est une vallée hein, verte avec des petites fleurs et des arbres. D'accord. Ah oui, bah alors, non, mais t'y es pas du tout. Non, en fait, c'est parce que c'est sur... Il y a la pochette qu'il y a des gobelins, mais il n'y a pas de vallée verte du tout. Non, mais si, en fait, sur le clip, parce que j'ai regardé ça sur... D'accord. En fait, il y a une vallée verte avec un arc-en-ciel. Ah, pardon, mais excuse-moi, tu parles des clips. Ouais. Ah bah, moi, je m'investis totalement. Bah, moi aussi, regarde. Tu vois, la preuve, regarde. C'est formidable. Attends. Moi, je m'investis pas. Oh, Alissa Whiteglues, ancienne chanteuse de The Agonist, tu vois. Ah ouais. Tu vois. Ouais, mais c'est facile pour toi, genre, devant toi. Et donc, non, bah après, première écoute, ouais, assez difficile. Il parle beaucoup sur le premier morceau, donc The Valley. Mm-hmm. Et la musique vient, le morceau doit faire 5 minutes, je crois. Et la musique vient au bout d'une minute, une minute et demie, je crois. Donc il parle comme s'il racontait un conte, tu vois. Et une espèce d'album à thème, ou je sais pas trop quoi. Sûrement. Voilà, donc je vais vous lire ce que j'ai marqué. Pour ma part, et cela ne tient qu'à moi, Primus devrait arrêter de faire du Primus. Ça ne marche plus. Parce que moi, pour moi, Primus, c'est pas du tout ce genre de musique. Voilà. Donc j'adore Primus, mais à l'époque où Primus faisait du Primus, forcément, Les Claypool a eu trop de projets en parallèle, hors Primus. Et pour moi, ce qu'ils font, donc il a eu quand même Purple Onion, Eyeball with the Devil. Qu'est-ce qu'il a fait? Monolith et Phobies avec Claypool Lennon Delirium. Avec le fils de John. Il a eu Fancy, Sausage, Colonel Les Claypool, entre autres. Enfin, il a eu énormément de projets derrière. Je dis pas, j'ai eu beaucoup d'albums. Quoi. J'ai acheté pas mal de trucs de ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça. C'est que derrière, moi j'ai quasiment tous les albums de Primus. Et j'ai pas mal d'albums de Claypool avec ses projets en solo ou de groupe. Et je reconnais plus ce qu'il fait maintenant dans ce qu'il faisait avec ses projets hors Primus. D'accord. C'est plus du Primus pour moi. Quoi. C'est vraiment. Je reconnais vraiment la patte de Claypool. J'ai l'impression que limite il bosse tout seul et que les Icos derrière sont un petit peu à dire ok, bon, on va faire ça. Bah, c'est un peu ce que j'avais dit la semaine dernière. C'est ouais. Que l'album, ça suit. Des fois, t'as des petits trucs de groove que tu reviens où tu. Ah oui, c'est Les Claypool et puis. Non, mais voilà. Parce que j'ai quand même. Donc, bah, acheté le DVD de Primus. Donc, Primus. Après, derrière, j'ai Fancy, le concert entier, où il y avait une nénette qui jouait de la sitar pendant une heure et demie. Et c'est très, très. J'ai l'impression. Moi, je me suis arrêté à Green Noga Hide, en fait. L'album vert avec le petit personnage qui fait du vélo. Pour moi, déjà, ça, c'était plus Primus du tout. Quoi. D'accord. Et je pense qu'ils se sont arrêtés vraiment, déjà, quand ils ont changé de batteur, qu'ils ont pris Brain. Ça m'a pas déçu, mais j'ai vu qu'il y avait un changement entre Tim Alexander et Brain. Le jeu était complètement différent à la batterie. Et déjà, je me suis dit, bon, ça restait du Primus quand même, parce que c'est assez délirant, il y avait des musiques très différentes, et on sentait bien quand même la patte Primus, mais plus maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a un peu pas dérouté, mais je me suis dit, c'est du Les Claypool, c'est pas du Primus. Quoi. D'accord. Voilà, basta. Et il y a une question que je voulais poser en fait tout à l'heure. Enfin, non, c'est une question que je m'étais dit que je ferais pour les chroniques, mais comme j'ai rien préparé, j'ai oublié de te demander. Du coup, on va le faire en décalé. Est-ce que tu achèterais cet album de Primus? Je crois pas. Est-ce que tu l'aurais écouté? Je vais l'écouter pour vraiment faire une opinion personnelle et pas voilà, pour déballer quoi que ce soit. Parce que je reste quand même un fan de Les Claypool, malgré tout. J'adore ce qu'il fait, quoi. Vraiment, il a un jeu de basse génial, quoi. Mais Primus reste Primus. Et Primus, c'est... une entité. 90, voilà. Je crois qu'ils se sont vraiment arrêtés à ça. Et du coup, donc je fais une aparté. Est-ce que tu achèterais Prophet of Rage? Non plus. Non, je suis plus vraiment à me réécouter à la rigueur les premiers Rage Against the Machine. Tu vois. D'accord. Et moi, je n'achèterais pas non plus Arcane Enemy, mais pas parce que c'est pas bien, juste parce que c'est pas mon style, en fait. Ouais. Voilà. Donc. D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, tu aurais aimé que Primus fasse un album à la Primus comme tu aimais avant. Non, c'est pas une question de ça, c'est que je ressens pas la patte Primus. Comme d'accord. Comme vous pouvez, tu sais, tous les albums, moi, pour te dire, je les ai quasiment tous, tu reconnais Primus et tu reconnais Les Claypool tout seul. Vraiment, c'est vrai. Un projet, vraiment, c'est différent, quoi. T'as vraiment une... Ouais, mais parce que ça pourrait justement être une espèce d'évolution, disons, on va évoluer un peu avec Primus pour faire ci et ça. Ouais, mais j'ai plus l'impression d'écouter... vraiment un de ses projets solo, quoi, un nouveau truc. Ouais, je te dis, pour te dire... Tu ressens pas l'âme de Primus. J'ai Ball, j'ai Sausage, j'ai... d'accord. Je te dis, sur le bateau, là... j'ai Purple Onion, j'ai eu Colonel Claypool avec la grenouille, donc tu vois, ça fait quand même 5 que j'ai Fonzie en DVD, donc ça fait 6 albums où Claypool tout seul, et je crois avoir à peu près tous les Primus, et tu reconnais vraiment, c'est Primus, c'est plus rock en fait, c'est vraiment d'accord. Plus rentre dedans, tu vois. Bah ouais, parce que ce que j'ai écouté, c'était... Très... Ouais, bah c'est ça, tu vois, c'est vraiment très... Ouais. En fait, c'est ça, la différence, c'est que Primus reste un groupe de rock, vraiment à part entière, et où tu as vraiment des sonorités bien rock. Bah ça s'est pas vu au Hellfest alors. Hein. Bah pas du tout, justement, quoi. J'ai plus vu du Primus Claypool sur scène, tu vois, parce que je l'ai vu plusieurs fois en DVD, bien sûr, une fois au Fest. J'étais super content de le voir, et en fait la prestation m'a laissé très je suis d'accord, ok, bah ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il a vieilli aussi, parce qu'il est plus tout jeune, le gars, quoi. Ouais, mais je pense qu'il a toujours une énergie quand même. Il fait 50 000 projets en même temps. C'est qu'il peut-être pour ça qu'il est aussi. Voilà. Mais je sais pas comment je pourrais justifier ça, quoi. Mais non, pour moi, c'est plus Primus, quoi. Eh ben, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, j'ai une chronique un peu dans le même style. J'en avais parlé la semaine dernière de dire que 36 Crazy Fist sortent un nouvel album et que c'est un groupe que j'aimais beaucoup. Et en fait, j'ai écouté l'album et je l'ai écouté genre 3 fois cette semaine et je l'ai trouvé très bon, mais comme un album de 36 Crazy Fist, en fait. J'ai trouvé exactement ce que j'aimais dans tous les autres albums sans rien de nouveau. Ouais. Et au final, ça m'a fait une sensation bizarre parce que quand je me suis penché un peu sur le groupe, j'ai même réécouté un peu aujourd'hui pour dire qu'est-ce que je pourrais en dire, et je trouvais rien de nouveau en disant c'est ce qu'ils ont déjà fait de la même manière. Il n'y a pas de prise de risque en soi, il n'y a pas d'évolution. Un peu contrairement à, si je vais faire une petite comparaison, un peu justement là où je trouve que Trivium, l'album me fait énormément envie, c'est parce qu'ils ils amènent quelque chose de nouveau dans les singles, quelque chose, on ressent leur patte avec quelque chose de nouveau. Là, j'ai écouté un très bon album, les chansons me plaisaient bien, dans le style, dans leur style à eux, qui est donc du metalcore, mais qui est très efficace, qui marche bien, mais c'était tellement... un peu dans, j'ai envie de dire convenu, mais ça sonne un peu mal, mais que je savais la partie qui allait arriver derrière avant l'écoute. Tu vois, j'écoutais, je disais, ok, ça va reprendre un beat comme ça, là, il va y avoir un machin. Et je kiffais ce que j'écoutais, mais voilà, j'ai une écoute un peu plate, quoi. Ah, c'est ce que tu vas dire sur un autre groupe tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et du coup, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est un album Lanterne, donc un album de 36 Crazy Fist, qui est un groupe de metalcore originaire d'Alaska. Ah, ça change. Et qui s'est par la suite localisé à Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis. Oui, bah voilà, forcément. Voilà, bah ils étaient peut-être un petit peu pas chauds. Du coup, pour les plus fins connaisseurs, ils ont bien sûr compris que ça s'inspirait du film avec Jackie Chan et la 36 Crazy Fist. Voilà, donc c'est du metalcore tout ce qu'il y a de plus metalcore, efficace, rentre dedans, énergique, avec un bon groove, une bonne énergie. J'ai envie, c'est un peu le côté metalcore évolution du néo-metal, quand le style un peu, que tu reconnais bien, mais avec un peu dans ce style-là. Ouais. plus énergique et plus violent, un peu plus méchant, quoi. Mais, ouais. mais très agréable, très cool. J'ai rien à dire de négatif dedans, mais j'ai rien non plus de fait d'extrêmement positif à dire, parce que c'est un, pas un copier-coller d'un autre album de ce qu'ils ont pu faire. C'est la continuité. C'est la continuité. De mieux. Voilà, donc c'est pas négatif, mais il n'y a pas de prise de risque non plus. Les donc... mecs, après, bon, bah, si c'est ce qu'ils font de mieux et qu'ils veulent rester là-dedans, ça se trouve, ils se sont essayés à autre chose entre eux, puis bah, ça écoute, leur a pas plu. C'est vrai qu'il y a eu un ou deux albums dernièrement où j'ai moins accroché. Celui-là, j'ai effectivement l'impression de retrouver ce que j'aimais dans le groupe. Ah ben voilà. Ouais, mais en même temps, quelque part, après, ça va faire le mec, les gens, tu sais, ils sont jamais contents. Ah, oh, ils ont changé leur style, c'est pas pareil et tout, mais en fait. C'est un bon album, mais en fait, quand tu te rends compte que tu écoutes beaucoup de groupes en y réfléchissant un peu ou en essayant de taper une chronique comme on fait plus ou moins entre parenthèses, on se rend compte que bah, du coup, c'est vrai que c'est plus intéressant un groupe qui tente des choses, quoi. Ouais. Je trouve. Donc, ouais. Du coup, tu vas réécouter ceux que tu n'as pas trop accroché pour voir. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire. Et du coup, à savoir si je l'achèterai ou pas, bah ouais, je pourrais l'acheter parce que j'aime bien ce groupe. Ouais, voilà. Voilà. Donc j'ai rien de négatif à en dire, en fait. C'est un très bon album de 36 Crazy Feet. Voilà. Tout à fait. C'est à toi. Bah écoute, moi je vais enchaîner un peu sur la même idée. Donc la semaine dernière, je vous disais, je crois, hein, que c'est sur le... Oui, parce que j'ai écouté 13 minutes hein, du podcast. D'accord. Que Rancid avait sorti un nouvel album. Oui. Mais non, c'est totalement faux. Ils n'ont pas sorti un nouvel album. C'est une compile en fait des morceaux ska de tous leurs albums compilés. Parce que Rancid reste un groupe de punk quand même à la base, mais ils ont un ska plutôt détonnant et plutôt sympa. D'accord. Et en fait, ils ont sorti un album avec 18 titres que exclusivement de ska. Donc, tous leurs morceaux ska. Donc, il y a Time Bomb, il y a pas mal de... Donc, c'est les morceaux de leurs différents albums. Voilà, tous les morceaux ska de leurs différents albums. Est-ce qu'on peut donc appeler ça un peu une compilation d'enculés, quelque part? C'est un peu ça. D'accord. Bah, ça t'évite, si tu préfères le ska, de taper tous les albums un par un pour dire, tiens, d'accord, tu mets ta cassette, en fait, c'est une playlist. T'appuies sur record. C'est une playlist, quoi. C'est ça, en gros. Un peu comme l'album de reprise qui est sorti de Motorhead, qui est un peu un scandale. Ouais, j'imagine, ouais. Bah oui, parce que c'est que des titres que tu retrouves un peu à droite à gauche, ouais, voilà, bonus tract. Ouais. D'accord, très bien. Donc en fait, non, ils ont pas sorti, ils ont juste changé la pochette, et puis voilà, la pochette est sympa. Hein. Mais donc, ils n'ont pas sorti d'album. Je pensais vraiment, je me suis fait... Exactement. C'est drôle hein, quand on y réfléchit, tu comprends? Ouais, la blague. Mais les gens peuvent pas comprendre. Non. Et du coup, alors, t'as quand même écouté? Bah, j'ai écouté, forcément. Mais je connais quasiment la plupart des titres. Ouais, mais est-ce que, du coup, le fait que ça soit. Je veux dire, toi, en tant que, qu'auditeur de cette playlist particulière, est-ce que ça t'a changé quelque chose ou pas? Pas du tout, non. Non, non, bah non. Enfin, après, il y a, oui, le côté festif, forcément, du ska. Hein, qui est donc, tu mets pas ça. En jour de déprime par exemple hein, forcément non. Tu mets plutôt ça un soir de fête ou voilà où tu voilà t'as envie de faire tiens un papillon jaune d'accord non après moi j'ai passé mon adolescence à grandir enfin j'ai grandi avec Rancid c'est vrai que tous leurs albums je les ai un peu suivis tous quoi j'ai commencé avec On a Come the Wolf qui était pour moi un des meilleurs albums voire peut-être même le meilleur. Mais attention, ce sont des paroles graves que tu dis. Pour ma part, ça n'engage que moi. Mais voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est Rancid, c'est un groupe, pareil. Si tu mets tous leurs titres bout à bout, en fait, t'as l'impression d'écouter le même un album, en fait. Voilà. Et t'as un album avec 200 titres. Ce qui est bien. C'est pas mal, c'est un bon tu album. Tu pars sur une bonne écoute voilà. Déjà, t'es tranquille. Écoutez, on va sortir un album. On va faire un voyage de quelques heures. Voilà. J'ai la playlist parfaite, t'inquiète mais pas. Mais c'est des mecs, c'est comme tu disais tout de suite, avec sorti une Six ou 36 Crazy Feet. 36 Crazy Feet. J'aime bien prononcer un truc en français, en anglais. 36 Crazy Feet plutôt que 36 Crazy Feet. 36 Crazy Feet. Voilà. C'est ça, c'est. Voilà. Et non, un peu dans le même esprit, c'est qu'ils font un truc, ils font bien. Ils ont de l'assurance dans ce qu'ils font. Et du coup, ils l'exploitent jusqu'à... Voilà, c'est comme une serpillière. Hein. Ils vont l'éponger. Ils vont le serrer jusqu'à... Ouais, mais du coup, c'est pas facile d'avoir des trucs à dire dessus. Sur le l'album, c'est ouais, ça que je veux dire ouais. Bah, j'ai rien à dire, en fait. Parce que c'est une compile de tous leurs morceaux ska. Donc après, voilà. Bon, après, on peut l'acheter. Oui. Les gens peuvent l'acheter pour se dire, oui, d'accord. Tu peux avoir tous les albums de Rancid et avoir une. Il n'y a même pas un inédit, il n'y a pas un truc. Non, il n'y a pas d'inédit pour l'instant. Hein. Bon. Bref. Voilà. D'accord. Ça reste un groupe de punk, hein. Vous savez, les punks. Ils ont pas le temps. C'est ça. Et du coup, tu l'achèterais ? Non. Pas du tout. Mais non, bah, en même temps, c'est pas évident. Parce que tu peux l'écouter, tu peux l'écouter comme ça. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc pour peu que tu aies une chaîne à 15 CD. Non, je serais plus. J'ai pas tous les albums. Je connais quasiment tous les albums par l'écoute, forcément, via Internet. J'ai pas tous les albums physiques. Ouais, d'accord. Mais je serais plus à racheter des albums physiques, comme tu le sais, j'achète oui, des albums. Oui, t'es un mec d'un album physique. Voilà. Et c'est très bien, d'ailleurs. Ça fait vivre. Et je serais plus, oui, à acheter les albums que je n'ai pas. Et ce que je prévois de faire, mais mon portefeuille ne veut pas. Je lui n'est pas d'accord avec toi, c'est pas sa démarche. Voilà, ouais, non, ça j'ai déjà vu ça. Donc, voilà. D'accord, très bien. Bon, moi je vais enchaîner avec Acme, qui a sorti l'album Acme. 12 titres pour 51 minutes. Et les titres Acme. Voilà, Acme 1, Acme 2, Acme 3. Non, il faut savoir qu'Acme, dans le grec ancien, ça veut dire l'apogée. Tout à fait. C'est comme un point culture, voilà. Voilà, c'est un point culture. Donc c'est le 8e c'est le 8e album de ce groupe parisien qui a quand même commencé en étant de la team Nowhere. Je sais pas si tu te souviens de la team Nowhere. Pas du tout. Alors la team Nowhere, c'était un espèce de d'association de groupes néo-metal, Plémo, Enhancer, Wunjo et Nauseyfate. Je connais pas celui-là pour le coup. Mais il faut savoir en fait que la particularité d'Acme, c'est que ça ressemblait pas du tout à ces groupes-là. Ah. C'était le seul groupe vraiment rock, je dirais plutôt vraiment rock metal, tu vois. Ils sont durs à définir, je trouve. Moi, je dirais vraiment rock metal. Ouais. Ce que je trouve bien avec cet album, déjà, c'est qu'il est extrêmement bien produit. Aussi, l'autre particularité d'Acme, c'est que depuis le début, ils chantent en français. Et on peut quand même le dire, c'est quand même une certaine prise de risque. Parce qu'à partir du moment où tu chantes en français, les gens comprennent ce que tu dis. En France, en tout cas, bah, t'as pas intérêt à te gaufrer sur ce que tu chantes. Qui dit qu'ils vendent pas principalement au Japon. Ah, bah peut-être. Ça, c'est complètement pas faux ce que tu dis. C'est très bien produit. Je trouve que cet album est vraiment très réussi. Moi, j'avais écouté Pornographie et. Ça m'étonne pas de toi. Bah non, mais c'est le deuxième album. Pornographie avec des trucs dedans. Non, Non. Mais non, pas avec des animaux. Des vieilles mamies. Mais non, mais en plus, je l'écoute en disant non, pas avec des animaux. Polaroid et pornographie. Avec des appareils photo, carrément. Ils y vont, quoi. Et j'avais trouvé ça vachement bien déjà. Je me retrouvais vachement dans certains trucs. Bah oui, forcément, c'est maintenant normal. Tu fais de la photo. Bon, en plus. Et donc, entre ce deuxième album et ce 8e, j'ai dû en écouter un au passage. Et j'avais plutôt bien aimé. Et ouais. Celui-là, je le trouve vraiment, vraiment réussi. Du gros son, des textes bien chantés et criés comme il faut pour un groupe français, et un super duo avec Renaud de Lophophora. Oui, parce que Renaud, l'autre, voilà, non, voilà. C'est pas évident. D'ailleurs, je n'ai jamais su si on disait Renaud ou Renaud. Moi je dirais Renault, bah, s'il n'y a pas de et, enfin, bah, y a je pas sais, d'accent. Ouais, mais tu sais, des fois les mecs. Ça fait peut-être au Canada, Renault. Peut-être, faudrait qu'on aille au Canada leur demander. Bah, alors, écoute, bientôt un épisode hors série, on arrive. Il y a eu beaucoup de remaniements de membres du groupe, mais donc c'est un nouveau chanteur depuis 2-3 albums. Chirurgie esthétique. Exactement. Et donc c'est vraiment. C'est un bon album de rock metal français. Et pour le coup, celui-là, je pourrais l'acheter. Alors, je ne sais pas si... Voilà, mais c'est vrai qu'on n'est pas très riche en ce moment de rock metal français. C'est ça. Hein. Donc oui, écoute, pourquoi pas, j'irai... Ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, ça m'a fait rire, parce que la semaine dernière, je me souviens t'avoir dit, écoute, tu vois, c'est pas mal. Le lendemain ou le surlendemain, j'ai réécouté, j'ai dit, non, il va jamais aimer. Et hier ou aujourd'hui, je me suis dit, ah, quand même, s'il y a des trucs, il est... Enfin, même sans aimer, il est obligé de dire ouais, c'est bien. C'est con que ça quand même. Non, c'est plutôt de dire ouais, il est obligé de dire c'est bien, c'est pas pour moi, mais c'est bien quoi. Est-ce que ça se rapproche de. Pas du tout. Non. Non. Bon. Du groupe que t'aimes pas ? Non. Non, c'est pas que j'aime pas. C'est pas ton délire. Voilà, c'est ça. Mais non, pas du tout. Et je comprends. J'ai rien contre, alors bizarrement, j'ai rien contre, hein, mais non, c'est vrai que c'est pas mon délire. Quoi. Non, mais je comprends. Je comprends. Et petit carnet rose. Oula ! La bassiste du groupe sort avec un certain Shouter. Oui, tout à fait. Voilà, donc je... Parce que c'est une de mes prochaines chroniques pour ça. D'accord. Co-auteur. Co-auteur. Ok. Voilà, à toi. On peut dire co-auteur. Hein. Je sais pas comment. Aucune idée. Donc moi j'ai eu l'occasion d'écouter le EP de Mastodon. T'as réussi à l'écouter ? Pas en entier. J'ai dû m'arrêter à quelques minutes parce que j'étais au taf. Il y a 4 chansons, putain. Il n'y a pas 4 chansons. Il y a 4 chansons. Oui, bon, il y a 4 chansons. Il y a 4 chansons. Bah, il fait 21 minutes et quelques, je crois. 4 chansons ! Mais ferme tes mouilles. J'étais au taf. S'il te plaît. Je respecte. Tu respectes le taf. Non, je respecte que tu sois au taf, pas ton taf. Cold Dark Place. Franchement, ce que j'ai écouté par rapport au titre, ça colle vraiment parfaitement. Très bien. Triste, mais bien. C'est ce que j'ai marqué. Mm. Je trouve assez morose. À part la première, à 2 minutes et demie, 3 minutes, je sais plus trop, t'as un moment où ça repart je me suis mis à danser. Ouais, vas-y, ça repart comme ça. Ouais. Elle commence super sombre et tout, et ça repart. Ouais. Ouais. Mais vraiment danser, hein. C'est vraiment dans l'esprit de ce... C'est pas guinché, mais tu sais... Non, je comprends tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Et puis d'un seul coup, ça a replombé, quoi, direct. Mais non, vraiment très très bien, quoi. Riff bien ciselé. Par contre, le point négatif, c'est le chant. De temps en temps, je trouvais un peu trop mélancolique. Un peu trop, enfin... Je n'ai pas trop reconnu Mastodon. D'accord. Sur certains shows. D'accord. Sur certains chants, pardon. Là, c'était un chapeau, je suis désolé, un chapeau jaune. D'accord, bah ça arrive, ça. C'est qui passe un... Faut toujours faire gaffe à ce qu'on met dans sa bouche. Mais ouais, non, sur certains chants, et je crois que c'est le guitariste, je sais plus son nom, avec le tatouage sur le crâne. Mais Game of Thrones. Non, c'est pas ça son nom. Bah c'est ça. C'est ce que je me suis dit, putain, depuis qu'ils sont passés. Parce qu'il y avait, Bram Deller aussi. Ah bon ? Ouais, dans Game of Thrones, il y avait Bram Deller. Il y avait que, Troy Sanders qui avait pas joué dedans. D'accord, super. Voilà. Et sauf que Bram Deller, le batteur, le blond, avait les cheveux longs. Il lui avait foutu une perruque longue. Il allait ridicule dans ce truc-là. Il a les yeux ronds aussi, non ? Il est, Je sais plus trop, mais il avait les cheveux longs. Crabbe. Ils lui ont foutu une perruque sur la tronche. Enfin, il est à moitié... il aime bien se déguiser, jouer en Spider-Man ou avec des costumes pas possibles. Mais voilà, non, j'ai trouvé l'album très bien. Ça reste du Mastodon. Jus. C'est dans la pure continuité, je trouve. Ouais. Tout à fait. Moins mainstream que ce qu'ils ont pu faire avec... Plus dans l'esprit et moins mainstream. Et non, enfin, en tant que fan de Mastodon, d'ailleurs j'aimerais, si on y va, pouvoir les voir. On va où ? Chez McDonald's. Ah non, mais non, c'est bon, on y retourne pas. On a dit qu'on n'y allait pas. Où ça ? Chez McDonald's. De toute façon, ils m'ont baisé avec ma carte. C'est mort, j'y retourne pas. Non, parce qu'il y a un programme. Il y a un programme maintenant, t'as une application et tout. Mais c'est des. Mais non, mais ils me retrouvent pas, c'est des enfoirés. Non, carrément. Je te jure. Ils font semblant. Une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça. Ouais, genre. C'est une question de gros sous, ça, monsieur. Donc voilà, non, Mastodon, très très bien. Enfin, pour ma part, je le recommande pas forcément parce que moi je suis fan. Bah pourquoi ? Parce que tous les goûts sont dans la nature. Bon, mais c'est con. Bah oui, mais le but là, c'est toi. Par exemple, toi, tu vas l'acheter ? Là, ouais, j'achète très bien parce que j'achète les Mastodon. Ping ! Eh ! À la tienne ? Ouais, je pense que oui, je vais l'acheter, ouais. La vraie question, c'est. Est-ce qu'il va être au prix d'un album normal ? C'est ça la question. Je me suis déjà fait. La réflexion ? BEZE sur un vinyle. Sérieux ? Ouais, que j'ai acheté 25 euros. Alors qu'il y a un morceau. C'était à l'époque du... je ne sais plus ce nom. Le nom de l'album, c'était avec plein de couleurs, avec une espèce de monstre végétaux. Là. De Mastodon ? Ouais. Ah bon ? Et en fait, j'avais acheté le vinyle. 7,90€. Ah bah ça va. En import allemand sur Amazon. Ah, mais tu sais, les Allemands, ils ont un truc. Oui. Ils sont très bien, les Allemands. C'est ça. Et en fait, j'avais à payer 25€ le vinyle. Et il y avait une face où il y avait le morceau chanté. Et l'autre face où c'était le morceau instrumental. Tiens, c'est marrant. Ah, tu trouves ça marrant, toi? Non, mais c'est marrant parce que en étant sur Amazon, je vois un vinyle. Oui. White Walker. Très cher. Il est dédicacé par les membres du groupe et normalement il est en édition limitée celui-là. D'accord. Mais il y a quoi dessus ? En fait, c'est pour Game of Thrones. Oui, bah c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Et, d'accord. Il y a deux versions de la chanson de Game of Thrones. Ouais. Et normalement, il est dédicacé par tous les membres du groupe et en édition limitée. D'accord. Et très cher. Bah, du coup, le code, c'est un apport allemand, le CD, mais il est à 7,90. D'accord. On peut l'avoir vendredi. Si tu... Ah bah écoute. Feu. C'est parti. D'accord, parti. Donc tu recommandes quand même un petit peu. Carrément, ouais, non, franchement, il est très très bien. D'accord. Tu te mets un petit feu de cheminée, tu te bois deux, trois petites bignouses. T'es bien. Voilà, une petite archette de charcutaille. C'est vrai qu'après on pourra revenir une fois qu'on aura fini sur les groupes qu'on peut éventuellement se dire qu'ils seront l'année prochaine au Hellfest ou pas, parce qu'à la base c'est vrai qu'on a fait un podcast sur le Hellfest. On oublie trop. C'est un peu, ouais, c'est ça l'idée. On oublie un peu trop souvent de. Parce que c'est pas Road to mon garage. C'est pourtant. Ça pourrait. Bon bah à moi. Si tu veux. Alors. Brian Hugh Warner, né le 5 janvier 1969 à Canton dans l'Ohio. est un musicien, chanteur, rock, peintre, poète, acteur et plasticien américain. Une idée de qui je parle ? Une idée de Marilyn Manson. Exactement. Ah, donc en fait, là, Bob s'en va. Donc il va me laisser tout seul parler. Meuble. Ouais, bah je vais meubler. Ah, mais c'est dommage. C'est à toi de meubler. C'est dommage que t'entendes pas ce que j'ai à dire. Je t'écoute. Ah, tu m'écoutes. Tu peux pas m'écouter, tu te barres. Si, je t'écoute. Très très bien. Donc il est temps que je vous révèle des choses sur mon ami Bob. Bob. Ouais. Non mais je suis pas en train de te parler. Ouais. Je suis en train de parler aux gens qui m'écoutent. Bob n'est pas la personne que vous croyez. Bob n'est pas un fan de métal. Bob a participé à la Star Academy. Car il a un joli brin de voix qu'il a essayé de défendre une année. Après, il a fait la nouvelle star, ça s'est pas bien passé. Il a voulu faire The Voice et je l'ai empêché de le faire. Et depuis, bah, il est obligé de faire des podcasts dans son garage parce que il est toujours dans une certaine quête du succès. Et la musique lui refuse, donc il pense quand même utiliser sa voix dans d'autres domaines. Voilà pour ce que j'ai à dire sur Bob. Bon, j'aurais bien d'autres choses à dire parce que j'ai quand même fait 2-3 festivals avec lui et... Et j'ai partagé des tentes en carton, des tipis. Je partageais beaucoup de choses avec Bob et la seule chose qui est importante de savoir, c'est que il y a des histoires qui doivent rester là où elles sont et qu'on ne doit pas déterrer. Aussi saugrenue soit-elle, aussi sordide soit-elle, et c'est pas parce que en ce moment, avec l'affaire Weinstein, tout le monde commence à parler que moi je parlerai. Et même si j'ai beaucoup de choses à dire sur toi, Bob, j'irai jamais rien parce que t'es un frère de métal. Voilà. Enfoiré. T'as oublié de dire que je suis un ancien stripteaser aussi. Bah non, je voulais pas tout dire. Ah bah mais il faut le dire. Donc est-ce qu'on peut résumer que t'as été pissé quelque part ? Mais tu peux résumer. Donc t'as été pissé dehors là, c'est ça ? Ouais. Alors je vois à peu près comment est situé ton garage, je vois pas trop où t'as été pissé dehors, mais t'as été très rapide et ça j'apprécie. Ah bah bien sûr. Très très bien. Donc oui, j'ai écouté le nouveau Marilyn Manson. Enfin, je l'ai réécouté vu que j'avais déjà écouté la semaine dernière. C'est quand même son 10e album. Eh ouais. Déjà. Moi, je m'étais arrêté au 4e, Hollywood. Oui. Et donc, bah, du coup, depuis Hollywood, bah, c'est le meilleur que j'ai écouté. D'accord. Vraiment. En même temps, si t'as pas écouté les autres, forcément. Bah, donc je ne mens pas. Je suis un mec de la vérité. Oui, c'est ça. Mec de la vérité, vrai. Ah ouais ? Bah, écoute. Ce que je peux en dire, c'est que bah, la semaine dernière, j'avais tendance à dire qu'il était un peu pop. Et c'est vrai qu'en fait. Bon, ça reste du metal indus à la Marilyn Manson, mais je pense qu'aujourd'hui, il est plus facile de classer Marilyn Manson un peu dans le même registre qu'un certain... Oh putain, j'ai un trou. J'espère bien, quand même. Comment il s'appelle, le mec que t'aimes bien, qui fait de la musique bizarre pour des films ? Les Claypools ? Non, pas lui. Et pourquoi il faudrait que moi que je l'aimerais bien ? Ouais, y a pas que toi, mais c'est parce que si je dis ça, tu vois, tout de suite, t'as compris. Robert ? Ouais. Bah ouais. Alors ? Bah non, c'est pour dire que je trouve que Marilyn Manson se rapproche un peu de ça, en fait. D'une espèce de... Mais il s'est influencé, lui ? Oui, mais de... Il le dit ouvertement, enfin, à ses débuts, il le disait ouvertement. Peut-être, bah, du coup, je trouve que c'est assez cohérent, parce que quand j'écoutais cet album, j'avais vraiment, vraiment, encore une fois, l'impression d'écouter une BO de quelque chose. Ouais. Tu vois, et... Est-ce que tu as noté, et c'est Mathilde qui m'a fait remarquer ça, invité numéro 5, les influences Joy Division? Non, j'ai pas remarqué. Ah... Mais j'ai pas beaucoup écouté Joy Division, donc pas assez pour... Ah bah moi c'est pareil, je me suis dit la même chose. Mais tiens, regarde, écoute, on dirait vraiment du Joy. Ce que je me suis dit, c'est que ça manquait d'influence de Marilyn Manson. Oui, surtout, ce serait pas mal. Ouais, je trouvais ça un peu beaucoup absent. Et que l'album est pas du tout désagréable à écouter, parce qu'il passe comme ça. Mmh. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était une BO de quelque chose, en fait. Et que du coup... les chansons se suffisaient pas forcément à elles-mêmes. À part le single et deux, trois autres que j'ai entendu comme ça, le single où dans le clip il y a Johnny Depp et tout, Satan, qui dans le refrain dit Satan, comme Satan. Petit jeu de mots facile, Satan. Ah ouais. Il dit Satan. Nous, quand on dit Satan, c'est que Satan vraiment, quoi. Non, mais pas Satan, Satan. 10 en anglais, 10. Donc Satan. Wow. Ouais. Donc, c'est profond. Ah mais c'est dingue. Et donc non, je trouve pas extrêmement bien produit justement cet album. Comparé à tous les autres trucs que j'ai écoutés, où je disais putain la production est ouf. Celui-là je le trouvais bien mais sans plus. Mm-hmm. Il est pas désagréable à écouter. Ça manque de hit à la... Enfin de hit Manson, je trouve qu'il était quand même, pour son Metal Indus, avec quelque chose de groovy dans ses titres ultra simples, ultra efficaces, qui étaient des hits faits pour le live et tout ça. Beautiful People, ouais, ce genre de trucs, mais tu sais, de trucs très efficaces, très vraiment répétitifs, simples mais efficaces. Ah ouais, je vois bien. Et là je trouve que il y a pas ça, il y en a pas dans cet album là parce qu'il est vraiment dans un rendu de bande originale de quelque chose, je trouve. Par contre, ce que je trouve malgré tout intéressant, c'est que Marilyn Manson, qui est quand même un mec autant connu pour ses frasques, toutes les merdes qu'il a pu dire, toutes les conneries qu'il a pu faire, que pour sa musique. C'est sorti de scène. Ouais, il est vraiment connu autant pour l'un que pour l'autre, mais que je pense quand même que ça reste un vrai artiste qui essaye quand même de faire quelque chose dans l'esprit. Et lui, c'est un vrai journaliste. Oui, en plus, lui, c'était un vrai journaliste, et que... voilà. Bon, par contre, ça reste et restera à vie un connard pour sa prestation du OLFest 2015. Hein. Ça, je pense qu'il faut pas... Non, faut être honnête. Oui, non, mais bien sûr. Je veux dire, tu peux être un artiste, avoir de l'ego et tout ça, c'est pas pour ça que s'il y a des gens qui sont pas autant fans de toi ou qui veulent pas t'envoyer de petites culottes, qu'il faut te casser. Voilà. Les enfants ont plein de l'ego. Voilà, donc... Putain, je l'ai compris en deux temps, celle-là. Je l'ai compris, je veux dire, ils ont de l'ego, ils vont lui balancer à la gueule. Non, elle était très bonne, elle était très bonne. Bref, c'est un album que je n'achèterai pas. Mais... qui m'a donné envie de réécouter ceux que j'avais pas écouté pour voir le parcours, en fait. Pour voir s'il y avait eu un changement à un moment donné qui s'était installé pour arriver à ce style-là. Toi, le peu que t'as entendu, t'as trouvé ça comment ? Bah, je te dis, j'ai dû entendre un titre, parce que je n'ai pas écouté l'album. Et je l'écouterai, parce que Mathilde aime bien. On peut tout dire maintenant. Oui. Hein, ça fait 15 ans que je vis avec Mathilde. L'invité numéro 5 ? L'invité numéro 5. C'est dégueulasse. Ah ouais. C'est pour ça que vous partagez la même... La même maison, les mêmes enfants, pareil. Tout. Ah. Eh ouais. Ah putain, ça fait quelque chose d'apprendre ça maintenant. Eh ouais, mon gars. C'est ça. Pour ça qu'elle était avec nous au festival et tout. Ouais. Bah ouais. Ah. C'est pour ça qu'elle est là aussi. Ah. Ah, je sais pas si je peux continuer. Eh bien, vous vivez votre dernier road to Hellfest. Non, j'ai pas dit ça, mais... Ah, tu continueras tout seul. Je peux me plaire. On a perdu Joe et Bob. Enfin, j'ai perdu Joe et Bob. Oui, pardon. Non, mais je parle toujours à la troisième personne. Donc voilà, Heaven Upside Down, 10e album de Marilyn Manson, 47 minutes, ça passe tout seul. Écoutez-le si vous aimez, je pense que l'artiste, ça changera pas. Après, vous pouvez le mettre totalement en fond sonore, et voilà, vous serez pas choqués. Voilà. Dans un ascenseur, tout ça. Oui, complètement. Pour dormir. Cool. Non, voilà. Donc, ça passe. Ouais. À vous-même. Cadavre. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose, en fait, sur le dernier. Bizarrement. Bah, il est dispo le dernier. Bah ouais, mais je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé un titre. Non, mais t'as mais pas... ce qu'on peut tout, de toute manière dire de Cadavar, déjà, c'est que musicalement, enfin, ce que je peux dire, ce qu'on peut dire, je ne parle pas au nom de tout le monde, ce que je peux dire. Ouais, fais-le, t'en fous. Oh, mais je ne suis pas comme toi. Mais moi, je suis quelqu'un qui respecte. Tu respectes les gens, c'est ça. Et mais tu sais, ouais. Tu sais ce qui se passe quand tu respectes les gens, quand tu respectes les gens, ouais. Et ouais, bah, on a tous des goûts, on a tous des goûts différents, ouais, c'est ça, machin. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a 8 Fast and Furious, 22 millions pour Bienvenue chez Chine. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas compris, mais ouais. Si on respectait non. tous les gens, bah il y aurait pas le public que t'aimes pas au Hellfest, d'accord. Là, voilà la vérité vraie. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils interdisent les lance-flammes à l'entrée. Et je fais une moustache avec quoi? Ils interdisent les lance-flammes à l'entrée. C'est vrai ce que tu dis. Alors, on oublie toujours de dire ça. Bah, c'est ça. C'est pas faute de l'emmener tous les ans. Hein. Mais à chaque fois, ils me refusent. C'est vrai. Je sais pas pourquoi. Bah, parce que ça peut tuer des gens, peut-être. Ouais, peut-être. En même temps, est-ce que tu leur as demandé? Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais, faudrait que j'envoie un mail pour voir. Appelle-les. Tu crois qu'ils vont me répondre? Donne pas ton vrai nom. Ouais, c'est ça. Salut, je suis Bob. Voilà. C'est qui Bob? Bah, c'est Bob. Tu connaissais pas Bob? Donc, Cadavar. Petite parenthèse. Oui, parce que ça m'a fait rire. Tout à l'heure, j'ai tapé Hellfest dans Facebook pour aller sur la page du Hellfest. Il y avait 4 résultats. Il y avait nous, Hellfest Cult, Hellfest et un autre truc. Je trouvais ça ouf. Après, c'est peut-être parce que c'est notre page à nous, mais ça m'a fait rire comme... on va finir par être associé à eux, qu'on le veuille ou pas. Et on n'est pas d'accord. Non, faut d'abord pas d'accord. Faut d'abord qu'on en discute. Hein, lui, ouais, voilà. Donc, réunion, hein, au sommet. Hein. Donc, Ben, si jamais tu as l'occasion d'écouter, on n'est pas contre, C'est ça. Bon. Bah, déjà, se rencontrer pour pouvoir discuter. Je crois qu'on est à peu près dans les mêmes âges. Oh, ça... Ah, il a mieux réussi sa vie que moi. Ouais, je sais pas. Hein. Ah, j'ai fait beaucoup moins de festivals en organisation. Ouais. Tu fais des trucs sympas. Hein, je sais, c'est gentil. Colle de plancheuse. Et donc, Cadavar. T'as balancé sur moi, t'es un enfoiré. Ah, alors, parce que tu viens de l'apprendre. T'as avoué à tout le monde que je venais de la Star Academy, ça va. Tu viens de l'apprendre. Genre, c'est nouveau, je suis un enfoiré. Ah non, je viens pas de l'apprendre. Ah bah alors. Bah, non mais... Je faisais genre surprise. Ah oui, d'accord, parce que j'aurais fait Lyon. Voilà, c'est ça. C'est n'importe quoi cette année. Oui, mais hey, on est déjà à 1h10 quasiment. Ah, c'est bien ça. En même temps, c'est ma dernière chronique. Ah bon? Alors, ah bah ça, oui. Squatch. Hein? Mais non, c'est pas possible, il doit en rester 2. Ah bah non, une. Ah, ah bah si. Il y a Prophet of Rage, Primus. Mastodon, Rancid, maintenant Cadavar, et après, normalement, tu m'as dit... Ah, ouais, après Cadavar C'est quoi, Footaiters? Je connais pas. Donc, Cadavar, petit groupe allemand. Enfin, petit groupe... Oui, petit groupe petit nombre, groupe. Et ils jouent ce soir au Trabendo. Ah, c'est ce soir? Ouais. Eh ben voilà. Bah, c'est raté. Écoute, mais ouais, non, bah, c'est un petit groupe plutôt sympathique, hein, qu'on a eu l'occasion de voir il y a 2 ans, c'est ça, 2 ans? Oui. Ouais. Bah, j'aime bien, et depuis j'ai acheté leurs 2 premiers albums, Abracadabar et Berlin. Donc du coup ils ont sorti un 3e album. C'est ça. Que toi. Oh, oh putain. Alors celui-là alors, il est... Je suis désolé. D'accord, parce que tu vois, alors seul, moi genre. Il était peut-être odorant mais on l'a pas entendu, alors que toi là. Ouais, enfin, on le sait maintenant. Je vois que sur la piste là, il y a eu un pic là. Il y a eu un pic énorme. Donc voilà. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus. Donc, je disais, groupe allemand. Ouais, c'est ça. Ça très influencé 70s. Complètement, ouais. Hein, même dans le look, hein, franchement, totalement. Moi, j'ai eu l'impression d'entendre du Jefferson Airplane au masculin. Vraiment, sur le morceau que là, j'ai écouté qui s'appelle Die Baby Die. Moi, ce que j'ai écouté, j'ai eu l'impression qu'ils jouaient encore plus les 70s qu'avant. Genre ils que avaient... ceux des 70s vraiment. Ouais, complètement. Ouais, mais non, mais c'est que fort. Des deux premiers albums. Je trouvais que c'était encore plus ancré. Ah ouais, carrément, ouais, c'est clair. Donc, même dans le clip, j'ai vu Die Baby Die, c'est vachement psychédélique, très, comme je te dis, Jefferson Airplane avec White Rabbit, tout ça, c'est très kaleidoscopé et tout ça, quoi. Il joue vachement là-dessus, quoi. Mais le look, génial. Puis la voix du chanteur, comment. Non, mais c'est Lupus. Lupus, ah, ouais, Lupus, bah, dis donc, Lupus, le Lindemann. Ah, d'accord. Le chanteur. Ouais, qui a une voix très reconnaissable, quoi. Bah, ouais, ouais, vraiment, ouais. Bah, quand tu connais Cadavar, tu dis ah, tiens, ça, c'est un lupus. Désolé, c'est la bière. Du coup, comment ça se fait que t'as pas trouvé l'album parce que sur Spotify Bah, parce que moi, certainement, je suis très mauvais, quoi. Non, sur Spotify, j'ai l'album. Ouais, mais moi, j'ai pas. Enfin, c'est Mathilde, en fait, qui a Spotify. Et du coup. Moi je l'ai pas, j'ai changé de téléphone parce que tu vois, on a tous il faut que je l'installe. Voilà, enfin c'est tout un merdier. Ah, pour l'instant, je suis encore dans le processus, j'installe des choses et je découvre la bête. D'accord, bah donc du coup tu pourras nous en faire un retour. Tu vas l'acheter ou pas, Squall? Ouais, je pense, ouais. Ouais, j'aime bien vraiment quand mon compte en banque sera open. On dira hé, hey, vas-y, lâche-toi. J'ai dit oui, mais oh, tu te calmes, d'accord? Ça arrive pas souvent. Ça. Ouais, non, c'est clair. D'accord. Ouais, mais je pense que mais donc tu as bien aimé ce que tu as entendu, c'est bien, ouais, dans l'esprit, le peu, bien. Ouais, bah, Die Baby Die, je pense, enfin si je me trompe pas le titre, c'est ça. Est-ce que ce titre existe déjà? Je vais vérifier comme ça parce que c'est facile d'avoir des fausses informations, donc bah ouais. Je l'ai vu cet après-midi, hein, le clip, hein. Ça veut rien dire. C'est frais. C'est frais. Ouais, c'est frais. Je prends char. Cadavar. Rock's Time. Ah, moi j'ai l'album, ouais. Ouais, Die Baby Die. Ouais. Ah, tu avais raison. Très très bien. Donc c'est bien. Merci. Oui, tout à fait. Ouais, non, franchement, non, j'aime bien. Bah, Cadavar, c'est vrai que c'est un style bien défini. Comme je te disais, Lupus a une voix très reconnaissable. Et justement, ça que j'aime bien, c'est quand t'écoutes un groupe et qu'il n'y a pas une voix un peu. C'est vrai que la voix fait tout. Moi, c'est un truc. Ouais, c'est con, mais les morceaux peuvent très bien commencer. Tu fais une minute d'intro génial et tu dis oh putain, c'est bon. Puis la voix peut te chier tout comme d'un seul coup, quoi. Et dire ah ouais, bah en fait non. Ah, moi je suis un peu plus tolérant avec la voix. Moi j'ai vraiment plus un truc sur les riffs de guitare, quoi. Ah ouais, ouais. Bah, t'es gratuit aussi, quoi. Ouais, donc, ouais, forcément, t'es un peu plus critique sur ce côté-là. Ouais, c'est ça. Mais puis après, je trouve qu'il y a des voix auxquelles on peut s'habituer. Et alors que des riffs de guitare pauvres et tout ça, moins, en fait, ça me parle moins, quoi. Ouais. Et ça tombe bien parce que justement, je vais parler de Dagobah. Mais putain, les transitions. Voilà. Donc, on va devenir pro. Hein, Dagobah, qui est un groupe de death metal mélodique français originaire de Marseille. Donc on peut dire qu'il est un peu l'opposé total d'Acmé. Ouais. Voilà. Et donc pourtant, le chanteur, Shouter, mais c'est le chanteur qui est avec la bassiste d'Acmé. Ah, c'est pour ça le quart des roses de tout à l'heure, pour faire le lien. Le shooter, ouais. Le shooter de Dagobah. Ouais, alors. Celui qui shoot. Moi, j'avais une question que je voulais te poser, que je voulais poser à travers ce podcast. C'est en fait. Solennel. C'est une espèce de réflexion que je me suis fait, parce qu'en fait, tu sais que Shooter est un mec à. Enfin, on va dire plutôt. Le chanteur de Dagobah est reconnu comme étant un peu un mec avec un ego démesuré qui se la raconte et qui a toujours un peu mené son groupe de cette manière-là. On en a pour preuve le départ l'année dernière du batteur et du guitariste, qui apparemment n'ont pas été trop vite mis au courant, qu'ils ont appris, ils ont été dégagés, alors que c'était pourtant le batteur est un membre fondateur et ultra proche des fans. Et c'est un mec vraiment très très connu et reconnu dans leur communauté. Et que lui, c'est le chanteur qui a décidé ça, donc dans un des rock hard du mois dernier ou du mois d'avant, il expliquait comment ça s'est passé, machin. Donc, je pense pas que ce soit important de connaître les dessous de ça pour savoir si un groupe est bon ou pas. Et parce que la musique doit, non, je pense que la musique doit compter plus que le reste. Et malheureusement, moi, quand j'ai écouté cet album, c'est pourtant à ça que j'ai pensé en fait. Parce que j'ai regardé aussi les deux clips, et dans les deux clips, on voit le chanteur marcher seul. Deux fois dans une espèce d'étendue vide et tout ça, où de temps en temps on voit des images du groupe qui est en train de jouer le morceau, mais le reste du temps on voit que lui qui est en train de faire ça. J'ai eu l'impression qu'au mixage on entendait plus sa voix que le reste. C'est sa voix qui surplombait un peu tout le reste d'un son. Alors, Dagobah n'a pas changé non plus parce que c'est lui le principal compositeur depuis le début de l'histoire du groupe apparemment. Donc normalement ça reste les mêmes morceaux, sauf que là il a un peu plus imposé des faits on va dire, d'arrangements, de petits effets au synthé, de petits trucs, un truc qui, pour le coup, me gonfle complètement. Du synthé. Enfin, tu sais, des petits effets faits au synthé, mais genre comme des petits bruits, en fait, des bruits électroniques, quoi. Comme Boogers. Ouais, un peu, ouais, mais des trucs qu'on rien à foutre là, parce que, enfin, selon moi, ça n'apporte rien au morceau, et je trouvais justement les riffs de guitare un peu pauvres et tout ça. Je n'ai rien contre Boogers. Je trouvais un peu ça un peu pauvre. Je trouvais la batterie qu'elle n'était pas au niveau de leur ancien batteur, mais ça reste pareil, parce que je le savais aussi, ou que je ne me suis pas posé la question. Et c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses que tout ce qu'on apprend sur un groupe peut changer notre appréciation, qu'on le veuille ou non, en fait? Parce que j'ai essayé vraiment d'écouter l'album en me disant ne pas tenir compte de ça, d'essayer de ne pas le ressentir comme ça. C'est dur quand même, des fois, de ne pas tenir compte de quelque chose qui... en fait va nous revenir derrière. Mais là si tu veux, en fait, ça m'a plus marqué sur le début de l'album, où je voyais vraiment pas de différence entre les morceaux. Je dis putain, mais ils sont tous pareils, je trouvais. Vers la moitié de l'album et vers la fin, ça commence à avoir quelques changements. Rien de folichon. Je dirais pas que c'est un mauvais album de Dagoba, mais j'ai eu vraiment l'impression que ça devenait l'album de Shouter, tu vois, plus que Dagoba lui-même. Mais donc, est-ce que quelque part Dagoba, c'est pas justement Shouter, et qu'aujourd'hui, comme il est, on va dire, plus que le seul maître à bord, ça se ressent encore plus. Et du coup, alors, pour faire court, en fait, cette idée va me pousser vers un autre truc d'analyse que je voulais discuter avec toi déjà dans le premier épisode. Serait-ce un fan de Ghost ? Voilà, c'est exactement là-dessus que je voulais arriver, sur Ghost. Tout le monde est plus ou moins au courant que Ghost a, alors je dirais pas implosé en vol, mais que Tobias Forge, quand même, le papa émeritus, le chanteur qui se cachait derrière papa émeritus, a été pas découvert, mais il a changé toute la formation du groupe en juillet 2016. Elle aurait rechangé en début d'année 2017, apparemment, et les anciens membres ont porté plainte contre lui parce qu'apparemment, il ne versait pas l'argent qu'il leur devait. Tout ça... Je crois que c'est deux ou trois membres. Trois ou quatre. C'est tous les membres. Tous les membres, du coup. Du coup, maintenant, c'est officiel. On sait qui sont les membres. Il y a les noms, tout est ressorti. Et on apprend, en fait... Pas le choix. Et on apprend donc aujourd'hui, maintenant, en fait, que ce n'est pas un groupe, mais le projet d'un seul homme. Qui, à chaque fois, pour avoir lu des interviews de lui à visage découvert, et même de visage à couvert, mais qui expliquait, en fait, ce qui s'est passé suite au premier... au premier aveu du guitariste, l'ancien guitariste de Magna Carta, qui était aussi un groupe auquel chantait Tobias Forge, qu'en fait Tobias Forge expliquait qu'il disait juste aux gens de jouer telle ou telle partie, composer tout et machin et tout ça. Et en fait, moi, j'ai beaucoup aimé Ghost avec leur dernier album, mais il y aura un peu moins avant, mais le fait d'avoir aimé leur groupe, cet album là m'a fait écouter les autres, et je me demande, en fait, si maintenant que je sais tout ça, je vais arriver à aimer Ghost de la même manière, en fait. Je me demande si le fait de savoir... Je dirais... Alors... C'est obligé que ça joue. Ouais. C'est obligé. Tu l'as forcément là, dans la tête, et tu peux pas faire autrement que d'y penser. Mais... Et donc... de critiquer en sachant ça, et du coup, tu vas réécouter l'album en disant « Ah ouais, mais ça, tu vois... » Parce qu'on est quand même... Alors qu'avant, t'écoutais ça innocemment, en me disant « Ouais, j'aime bien, c'est pas mal. » Ouais. C'est de la musique. Ouais, mais j'avais aussi l'impression que c'était un groupe. Parce que je trouve que le sentiment d'unité de groupe est importante. Ça, c'est sûr, dans un groupe, ouais. Tu vois, et normalement, que... Normalement, c'est une bande de potes qui se retrouvent pour jouer de la musique. Normalement, quoi. C'est ça. Sauf que là, comme ils étaient tous masqués et tout ça, il n'y avait pas trop d'importance et d'intérêt à mettre là-dessus. Et aujourd'hui, le fait que lui, il est payé ou pas des trucs, je m'en fous. Ça nous concerne pas à part eux. Mais est-ce que le fait de savoir que maintenant, c'est un seul homme qui est derrière tout ça... est-ce que... C'est... Parce qu'au final, c'est quand même un mec qui faisait du... c'est de la musique satanique, hein, Ghost, hein, faut pas se mentir, de base, disons. Très sexuel, apparemment. Énormément, oui. Donc c'était vraiment là-dessus, et d'avoir arrivé à amener ça à un tel niveau de popularité, de, je veux dire, moi j'entendais ça quand je faisais mes courses à Carrefour, quoi. J'entendais des chansons de Ghost, mais du dernier album, il y en a qui sont passées, ouais. Ah ouais. Ouais, Siri s'est passé, ouais. Ouais, parce que... Ouais. Et aujourd'hui, moi, c'est ça que je me demande, c'est est-ce que le mec, il a... Est-ce que, alors, je dirais pas que c'est un enfoiré tout ça, parce que si c'est vraiment son projet qu'il a essayé de faire, mais si on regarde un peu l'histoire du mec, il a fait 14 groupes différents, dans tous les styles, du grindcore à un truc rock. Il a vraiment fait plein de trucs différents. D'accord. Et même pendant Ghost, entre deux, genre, il allait chanter dans les trucs de grindcore. Je veux dire, si tu tapes Tobias Forge, t'as vraiment plein de trucs différents. Okay. Du coup, est-ce qu'il s'est concentré sur un truc qui marche? Le fait de jouer masqué, ça marche toujours un peu plus. Mystère. Et donc, est-ce que le fait que ça soit un enfoiré au final fait que ça va être bien ou pas bien, je sais pas, je suis inquiet en fait là-dessus, et ça m'a fait un peu penser à ça quand j'écoutais Dagoba, parce qu'en fait, j'ai vraiment eu l'impression de voir le groupe de Shooter. Et je dirais que c'est un bon album de Dagoba, sans être un très bon album, qu'il y a un petit peu trop de mise en avant du chant, des lignes de chant et tout ça, comparé au reste des instruments, qui sont en retrait selon moi, et que j'attends de voir un peu plus tard, et que c'est un groupe que je n'ai jamais vu encore en live, mais que j'aimerais bien voir pour ressentir justement si c'est un vrai groupe ou pas. Voilà ce que je voulais dire sur Dagoba. Et donc plus précisément sur la musique et le fait d'avoir l'entité de groupe ou de projet solo. Voilà, je suis pas sûr d'avoir une bonne réponse à tout ça. As-tu déjà le bon questionnement ? Ah, je ne sais pas. Je pense que j'ai peut-être attendu trop longtemps avant de poser ça. Eh bien voilà, pour moi c'est plié, j'ai fait mon petit papier. Mais non, dis-moi, tu devais encore faire les Foo Fighters ? Non, en fait je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que c'est mon côté rebelle. Et du coup, c'est quoi le dernier groupe que tu as fait ? Ah bah la hiérarchie. Non mais il reste un groupe. Hein. Il reste un groupe. Alors, pour ma part, j'ai commencé à écouter Sasquatch, l'album qui est sorti en juin. En juin ? Mais c'est même pas une nouvelle sortie. C'est pas une nouvelle sortie, mais c'est un nouvel album. C'est un dernier album. Et donc ? Enfin, pour ma part, si j'ai dans ma discothèque, c'est un nouvel album. Hein. Tu l'as acheté ? Non, je l'ai pas acheté encore. Je suis dans le projet de l'acheter. C'est bon, on compte en banque. Et donc, déjà, ça fait partie d'un de mes souhaits, hein, que j'aimerais bien voir Sasquatch. Parce que c'est un groupe qui est sympa. C'est vrai. Vraiment très sympa. Et qu'il a un pur rock stoner bien, bien détonnant. Est-ce que c'est du stoner bien sale ? Disons que je dirais qu'éventuellement ça se rapproche assez de Red Fang. Qui est pas dégueulasse. De Red Fang en main stage ou sous la vallée ? Sous la vallée, bien sûr. D'accord. Et en pas trop fort. C'est vrai, c'est ce qui est important de souligner ça. Sous la vallée en 2012, 11, 12, je sais plus. J'étais pas né à ce moment. C'est là que j'ai découvert Red Fang et que j'ai acheté. Je me suis dit, putain, Prehistoric Dog, ah, génial. Alors du coup, j'ai acheté un des albums de Red Fang. Ouais, mais à la base, tu devais pas être Sasquatch. Ouais. C'est une référence. Enfin, d'accord. Je trouve que c'est assez rapprochant dans le son. Sauf que Sasquatch est un peu plus stoner. Donc posé vraiment avec des sonorités stoner plus que Red Fang. Donc dans l'esprit, assez pas crade, mais assez rock. Pseudo garage, on peut dire. Ce côté-là, avec le posé stoner. Et d'accord. Ils font pour ma part, j'ai que les deux premiers albums de Sasquatch, qui sont excellents. Je les conseille, vraiment. Et je pense que ouais, je m'achèterai certainement le dernier album. J'ai rien de plus que ça, je l'ai juste écouté bien parce que je sais que il est sorti au mois de juin, j'ai pas le temps de trop écouter la musique, tout ça. J'essaye de faire au mieux. Mais ouais, je fais... Et vraiment, ça fait partie d'un de mes souhaits de les voir. Quoi. Et je sais qu'ils tournent avec House, Broken Promise en ce moment. Et donc le peu que t'as écouté, t'as plu ? Ouais, carrément. Ouais. D'accord. T'as pas écouté l'album en entier ? J'ai pas écouté l'album en entier, j'ai commencé à l'écouter, je vais certainement l'écouter en entier dans très peu de temps, c'est sûr. Mais le début, déjà rien que le début, ça pose les conditions, quoi. Voilà. Bah écoute, tu m'as convaincu, j'irai jeter une oreille, car je l'ai récupéré depuis la semaine dernière. Très très bien. Il me reste un groupe, moi, et puis ça fait déjà 1h23, donc on va essayer de plier ça vite. Ouais, donc, on est à 3 bières, hein. Et ça se sent. Bon, je l'ai senti quand j'ai essayé d'expliquer les choses. Ça s'entend aussi. J'imagine pas où là. Ouais, donc c'est Cradle of Fist, qui veut dire berceau de la crasse. Je trouvais que c'était bien comme nom. Ouais, c'est pas mal. Donc faut savoir qu'ils ont sorti The Seductiveness of Decay. Okay. Ah merde. Crap, putain, j'ai loupé mon truc. Dagoba, donc 57 minutes pour 12 titres. Dont deux bonus tracks, à savoir les démos de Inner Sun et de Legacy of Ares. Et les démos de Minuit. Non. Juste pour le foutage de gueule, en fait, parce que ces bonus tracks n'apportent strictement rien à part un non-mixage de la batterie, en fait. C'est tout. La seule différence entre le titre terminé et ça, c'est au niveau de la batterie, le son n'est pas le même. pas de variante. Je veux dire, j'ai déjà écouté plein de bonus tracks qui étaient intéressants pour des vraies versions démo, genre le tout premier essai où tu vois une vraie différence et tout, la limite où l'intérêt. Tu l'entends, quoi. Voilà, que là, il n'y a aucun intérêt. Je trouvais ça super nul, tout ça pour arriver à 57 minutes. C'est du remplissage. Mmh. Et arriver à 12 titres. Tout à fait. Voilà. Je voulais en arriver là. C'était pour ça que je voulais donner le nom et le nombre de morceaux et tout ça. T'as raison de balancer. J'ai rien contre eux, hein, mais juste ça, pour le coup, ça n'apporte rien. Ouais. Donc, Cradle of Filth, donc 10 titres pour 1h05. Alors, c'est le 12e album du groupe. Et ouais, non, déjà, c'est vrai que ça date. Et du coup, pour moi, c'est quand même de loin le meilleur album. Mais le meilleur. Ah ouais? Ah, bah, il y a écouté tous les autres albums? J'en ai écouté zéro. Et parce que Cradle of Filth, j'ai toujours détesté grave. Le jour où c'est arrivé, j'ai détesté, parce que déjà je pouvais pas écouter du black à l'épaule, mais vraiment c'était vraiment le black avec le chant du. C'était vraiment ça. J'ai un pote principalement qui était très fan de Cradle of Filth. Et en plus l'imagerie qu'elle avait me plaisait pas du tout, donc c'était pas du tout mon délire. Ouais. Le côté à moitié vampire et tout ça, ça me faisait pas kiffer. J'avais vu en l'air le merde dans les bonus, c'était d'un DVD. Ouais. Le tournage d'un clip, j'avais vu ça, la tragédie d'Alerte à Montpellier. Un petit bar vraiment punk, gothique, metal. Tout petit truc. Et dans le fond du bar, t'avais un écran géant. Et t'avais du metal à fond, quoi. Et ils avaient passé le justement un truc avec plein de nains qui jouaient dans le clip. Je trouve ça ultra glauque. Et assez malsain. Mmh. Et t'avais Danny Fields, forcément, qui parlait machin, un truc. Et t'avais tous les nains qui étaient en train de se faire maquiller, qui jouaient. Enfin, je trouve ça malsain, quoi. Et c'est vrai que Cradle of Filth, c'est pour ça que c'est. Ah, non, mais je n'aimais pas. Moi, j'ai un souvenir très précis d'avoir vu Cradle of Filth en concert à Paris, qui était pour le Tattoo the Earth. Ils jouaient à cette espèce de mini festival d'un soir. Et c'était le moment où je suis parti manger, quoi. J'écoutais pas du tout. Ouais, bah. Et en fait, et ben, cet album, en vrai, je le trouve pas mal. Déjà parce que Cradle a évolué et maintenant ils font plus du black metal symphonique avec un petit côté épique par moment qui est pas dégueulasse. Ouais. La voix est plus pareille. Alors je vais pas dire que j'adore être ça, mais plein de fois pendant l'album je me suis mis à bouger la tête et tout, à faire ah, c'est pas mal ça. T'as fait le test du no end banging. Ouais, et bah j'ai pas réussi. Et donc du coup, franchement, c'est pas forcément ma came de base. Ça l'était vraiment pas à l'époque maintenant, mais Edune, le groupe n'est plus ce qu'il était parce qu'ils sont pas dans le même délire qu'avant. Ils ont vraiment, tu reconnais les sons et tout ça, mais il y a beaucoup plus de synthé. Est-ce que tu peux dire que c'est l'album du maturage? C'est complètement l'album de la maturité, hein. Ils ont jamais atteint un tel niveau et je pense qu'ils l'atteindront plus jamais. Et la 8, elle déboîte. Voilà, donc c'était juste pour dire que je pouvais pas écouter le black metal avant. Depuis qu'on fait ce podcast, j'ai appris à écouter, à trouver des trucs agréables, et là je trouve toujours pas maintenant. Je trouve cet album pas dégueu et je ne l'ai pas du tout trouvé désagréable à écouter, quoi. Je ne l'achèterai peut-être pas, mais je pourrais le réécouter sans aucun problème. Voilà. Et je n'achèterai pas Dagobah pour les deux de bonus tracks de tout à l'heure. Ah, rien que pour ça, et paf. Voilà. Donc, écoute, c'est un peu tout ce... Alors, on peut faire juste le petit récapitulatif. Qu'est-ce que tu voudrais revoir l'année prochaine? Est-ce que tu voudrais revoir Prophet of Rage? Je ne les ai pas vus l'année dernière. C'est vrai, mais est-ce que tu veux les revoir quand même? Non. Non, moi je veux voir Rage Against the Machine, mais pas Prophet of Rage. Est-ce que tu voudrais voir Acme Non, ça c'est Acme, moi. Non, pas spécialement, je connais pas déjà. Mastodon. Mastodon, oui, j'aimerais bien les revoir. Mm-hmm. Parce que j'ai adoré leurs prestations, et franchement, putain. Donc Sasquatch, t'as dit oui. Sasquatch à mort. La vallée, hein, forcément. Rancid, il y a peu de chances quand même qu'ils reviennent. Je pense pas. Puis la prestation de l'année dernière, c'est... Oui, mais ils étaient fatigués quand même. Hein. Y avait qui d'autre dans les groupes que t'as fait? Primus. Primus, il y a peu de chance. Primus, non, puis même, je sais pas. Honnêtement, ouais. C'est pas que j'hésiterais pas à aller les revoir, mais c'est peut-être plus la peine. Je sais pas. Non, puis même, je pense que eux-mêmes, rien que la prestation qu'ils ont faite au Fest l'année dernière, j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient ultra joyeuses de venir. Je sais pas, j'ai pas ressenti ce côté cool. Ou alors ils sont trop pros, les mecs. Voilà quoi, on fait notre show, on se casse quoi. Peut-être. Barbant. Ça existe, hein, on en a vu des groupes comme ça. Non, mais voilà. Même si c'est Primus, j'ai du mal à le dire, mais oui, ça peut arriver, ouais, c'est sûr. Mais voilà. T'as fait le tour de tes groupes. Cadavar, j'aurais mis en voir Cadavar. Ouais. Cadavar, ouais. Et c'est possible. Ouais. Ça me semble possible. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, de mon côté, j'aimerais bien voir Acme. C'est jouable un matin, je pense. J'aimerais encore bien. Un matin. Bah, les groupes français. Hein. Dagoba, ouais. Pourquoi pas, je les ai jamais vus. Donc, Cradle of Filth, alors je dois avouer que là, s'ils devaient passer maintenant, je pense que j'irais jeter une oreille parce qu'ils étaient passés. Ils sont passés souvent. Bah oui, et j'ai pas été les voir justement parce que j'aimais pas. Arch Enemy, non, j'aime pas assez. Marilyn Manson, jamais de la vie. Ah, mais je suis un mec rageux, moi. Tu me fais un coup de pute comme il a fait là, tu me revois jamais à ton concert. Quoi, c'était quoi le problème? C'était la tortue gonflable, c'est ça? Non, ça t'a déplu pour cette petite tortue? Non, et il doit finir son concert alors qu'il a dit pas quand il a décidé parce que c'est un. Ouais, c'est ça. Et 36 Crazy Fists, j'adorerais beaucoup les voir. Voilà. Du coup, bah écoutez, voilà, on n'a rien préparé, mais on a tenu une heure et demie. Ça devait être aussi chaotique pour vous à entendre que pour nous à dire. Ah, voilà, c'est ça. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à ajouter? Merde. Parfait. J'aimais beaucoup aimer ta phrase de fin de dernier épisode. On vous aime, on vous emmerde. Ah oui, bah ouais. Je vous emmerde, bande de cons, et je vous aime, c'est ça? Ouais, nous l'inverse. T'as roté, toi? Pas du tout. Non. Du coup, bah, on va arrêter là, hein, parce que je pense que voilà. Nico, salut. Bah voilà. Hein. Moi je voulais embrasser ma maman parce que je sais qu'elle écoute pas. Ouais. Bah moi non plus, c'est pas possible, elle a plus d'oreilles. Ah Nico, je l'avais pas en plus. Bah oui Nico. Putain, bah oui. Mais je l'avais pas, j'ai cru que tu faisais une blague. Excuse-moi. Ouais, Nico, bien sûr qu'on t'embrasse. Et la première bière sera pour toi. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut vraiment que. Donc, tu... oui, le message que tu nous as envoyé tout à l'heure. Merci déjà. Jack me le faisait rappeler. Oui. La première bière sera pour toi. Elle est pour toi. On y tient en plus. Oh, bah bien sûr. On y tient, voilà. Et surtout si t'as écouté jusque-là. Jusque-là. Ouais. Tu mérites, voilà. Bon, sur ce, alors on sait pas quand sera le prochain épisode. Peut-être même qu'il y en aura pour ça, rien. Bah peut-être qu'il y aura des news du fest qui seront un peu plus importantes. Surtout, il y aura peut-être quelque chose à dire que là, du coup, sinon on fera des chroniques de. Ouais, bon, on verra bien. On va piffer des trucs. Ouais. Très bien. En tout cas, ce fut sympa quand même. Bah oui. Très très bien. Et bah écoutez, au revoir à tous. Bonne soirée. Et à bientôt. Bisous.